écouter Selena Gomez pendant toute une émission. Ah ouais. Oh, me chauffez pas. Il est 6h. Qu'on amène le coq. Soyez les bienvenus, on est vendredi, c'est le 12 octobre, c'est le week-end qui arrive. On va s'écouter Dadju, il y aura aussi Kaigo avec Imagine Dragons. Dans 10 minutes, c'est les concours du jour. Ouais. Parce que pour bien démarrer cette journée, se dire qu'il y a pire que nous dans le monde, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Une météo encore très estivale aujourd'hui avec le soleil qui s'impose largement. Quelques nuages de passage dans toutes les régions, mais globalement, ce sont les rayons qui vont dominer jusqu'à ce soir. Un peu de douceur pour accompagner le tout. On attend 21 degrés à Quimper, 22 à 7, 24 pour Arras, 25 à Toulouse. Les maxis grimperont jusqu'à 28 à Auxerre. Et dans l'actu ce matin, on pourrait presque s'y perdre. Le nom des carburants change aujourd'hui dans toutes les stations d'essence d'Europe. Des appellations simplifiées et harmonisées qui vont demander un peu de temps à s'y habituer. En résumé, le sans-plomb 95 et 98 s'appelle désormais E5 avec un logo en forme de cercle. Si vous roulez au diesel, il faudra repérer le sigle B7 avec un carré autour. Mais pas de panique, l'ancien et le nouveau nom seront affichés simultanément, au moins pour les premiers mois. Dans le Var, on déblaye, on nettoie et on ne compte plus les dégâts après les intempéries qui ont frappé le département de la nuit de mercredi à jeudi. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en quelques minutes et plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit. Hier, deux personnes ont été retrouvées noyées dans leur voiture, emportées jusqu'à la mer. Dans le reste de l'actu, on espère passer la barre des 2 millions d'euros. La mobilisation continue jusqu'à dimanche pour le Pasteur-Don. Les labos et les patients comptent sur vous pour financer la recherche médicale contre le sida, Alzheimer ou encore le cancer. Pour participer, rendez-vous sur pasteurdon.fr ou par téléphone au 3620. Deux étoiles qui n'ont pas beaucoup brillé hier sur la pelouse de Guingamp. L'équipe de France a concédé le match nul de partout en amical face à l'Islande. Les Bleus ont même été menés 2-0 jusqu'à l'entrée en jeu de Kylian Mbappé qui a provoqué le premier but et même transformé un pénalty. L'attaquant a sûrement été boosté par sa photo en une de l'hebdomadaire américain Time Magazine. Prochain rendez-vous mardi avec un match crucial, celui-là face à l'Allemagne, comptant pour la Ligue des Nations. Ils ont passé la première moitié de leur voyage. Les 150 passagers de l'Airbus A350 pour New York ont bien décollé de Singapour en fin d'après-midi hier. Ils ont embarqué pour le vol commercial le plus long au monde, 19 heures sans escale jusqu'aux États-Unis. À bord, tout est prévu pour patienter avec des séances de relaxation, des plateaux repas un peu améliorés et surtout une bibliothèque de 1200 heures de films et séries. Le vol possède même deux équipes d'hôtesses et stewards qui se relayent sur deux journées de travail. 7 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album, les Black Eyed Peas sont officiellement de retour aujourd'hui avec Masters of the Sun, leur nouveau projet. Le groupe qui fête ses 20 ans cette année est revenu à son trio d'origine après le départ de Fergie. La chanteuse est remplacée sur plusieurs titres par la Philippine Jessica Reynoso. Les Black Eyed Peas en concert dans un mois, tout pile au Zénith de Paris. Voilà pour vos infos. Manu est dans le 6-9 tout de suite. On se retrouve à 6h30 pour l'actu d'ici là. Bon réveil sur Energy. À tout à l'heure. Bonjour Paulette. À fond. Bonjour Glandu. Debout là-dedans. Bonjour Nico. Bon week-end. Et bonjour papa. C'est nous. Allez, ça commence. Il est 6h04, nous sommes vendredi, c'est le 12 octobre 2018, c'est le week-end qui arrive. Bonjour vendredi. Bonjour vendredi. Je suis moyennement content. Ah voilà. Pourquoi? Je vous l'annonce pour démarrer cette journée, je suis moyennement content. Ah ouais, alors. Bon, on va écouter Dadju avec Lyon. Ça, je suis content. D'accord. Ouais. Il y aura Kaigo aussi, ça, je suis content. Mmh. Dans 5 minutes, c'est les concours du jour pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Ça, je suis très content. Ouais. Et je vais avoir 20% de réduction sur ma prochaine commande sur un truc que j'ai commandé sur Internet. Ça, je suis content. Bah oui, c'est bien. Mais voilà pourquoi j'ai 20% de réduction. Mmh. J'ai commandé un truc sur Internet. Ouais. Ok. Ouais. Et j'ai reçu, c'était en 3 colis, il y avait plusieurs trucs. Okay. J'ai reçu un colis dans lequel il y avait 12 verres, les verres à bière. Ouais. Dit-il okay. Fièrement, mais avec modération. Mais Les verres, non, ça va, les verres. Ah, oui. J'adore tes commandes après ces débuts célibat. Ouais, c'est ça, c'est pas faux. Ouais. Tu veux, voilà, je vais vous dire la vérité, c'est une machine à bière en fait que j'ai commandé. Génial. Ah, bah, d'accord. C'est des petits trucs de 2 litres en fait que tu mets comme pour faire de la pression chez toi. Ouais, c'est cool. Voilà. J'ai commandé ça avec des fûts de bière. Voilà. Okay. Alors, ouais. Vous savez. Et je reçois un carton avec 12 verres. Sauf que j'ai pas commandé les 12 verres. Mais j'avais commandé un truc technique dans le machin qui n'est pas arrivé. Donc j'appelle et je leur dis: ah, j'ai un petit souci avec ma commande, les petits tubes machin sont pas arrivés. Ouais. Et alors je vous le dis, j'ai reçu 12 verres. Ouais. Ah, c'est honnête. Oui, c'est honnête. Ouais. Et au début, je pensais que c'était un cadeau. C'est genre, tu commandes un truc assez, un peu cher, et puis des verres en cadeau. Des verres. Et il me dit: alors attendez, je regarde votre commande. Je fais, il me fait ah oui, effectivement, vous avez pas du tout commandé les verres. Bon, écoutez. Franchement, je crois que là, les verres, ça va nous embêter plus qu'autre chose de les ramener, les rapatrier. Ouais. Donc, bon, à la limite. Et puis moi, je me suis dit, bah oui, écoutez, c'est pas grave, ça me gêne pas de garder les verres. Et puis les tubes que je devais acheter, c'est pas grave, je les recommanderai, c'est pas très important. Ouais. Okay. On se quitte là-dessus. Ouais. Ça va. Et là, ça je va. Me dis, j'ai 12 verres en plus. Ouais. 12 verres, c'est beaucoup. Ouais. Oui, oui. Donc je commence à dire à quelqu'un, ça te dit des verres à bière? Ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est bah, mon ex. Ouais. Ah bon, ouais, sympa. Je lui dis, bah oui, je fais moitié prix quand même. Donc, elle me dit oui. Je dis, oh bah c'est cool. Et là, ça c'était il y a 2 jours. Ouais. Hier, le mec me rappelle. Ah il non. me dit bonjour. Je dis bonjour. Alors, c'est bon, on a tout vu. On va vous faire, bah, pour le dédommagement, une réduction de 20% sur votre prochaine commande. Ouais. Oh, ouais. Bah, non, non. Alors, en revanche, les verres, il va falloir nous les rapporter. Oh, mais non. Oh non. Merde. Oh, oh, ah, pas possible. Oh, la ça. Galère. Mais attends. Ah non. Et tu les as déjà offert à ton ex? Bah, la moitié. Alors, ouais. Mais vous avez toujours les cartons? Ah, mais moi, j'avais plus les cartons. Ah, bah non, alors. Bah, moi, j'avais considéré que les verres, c'était les miens maintenant. Bah, oui. Ils sont très mal élevés dans cette entreprise. Bah, non, c'est normal, c'est 12 verres, mais je me suis un peu emporté, quoi. Ouais, bah, en même temps, il t'avait dit OK, le gars, donc, trop tard. Bah, il m'avait dit OK, peut-être que j'avais compris qu'il m'avait dit OK. Ah, attends, c'est pas pareil, ça. Peut-être que je m'étais un peu emballé. OK. Une bonne raison de plus pour arrêter de boire. Bah oui, Manu, tu vois, la vie te le dit. Non, à la limite, dis-lui, hein, sois honnête. Hein. Tu dis, voilà, je me suis emporté, je les ai filés à mon ex-femme, oui. Je voulais essayer de la récupérer, je suis désolé. Ah ouais, ça peut marcher, ça. Mais oui, il va comprendre. Ah, oh, pas con. Mais faut le faire culpabiliser, faut lui dire, voilà, c'est un divorce réussi, et grâce à vous, à cause de vous, qu'est-ce qui va se passer? Elle va me détester. Non, alors, ah, je peux tenter ça, ouais. Tu leur dis, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Ouais. C'est l'argument imparable. Ouais, mais en fait, j'aurais pas dû appeler dès le départ, quoi. Bah, ouais. Bah non, non. Mais en même temps, honnête. Mais voilà, j'ai été honnête. Bah, ouais. Bien, c'est chiant quand t'es honnête et que t'es pas payé de ton honnêteté. Ouais. Ça va s'arranger. Oh, je suis presque déçu. En même temps, c'est normal que je leur rende leur verre. Bah oui, je vais, bah ouais. Tu sais quoi, je sais ce que je vais faire. Tu vas faire quoi? Je vais mal les emballer, ils vont casser. Oh non, non, c'est très mal. Ou rends d'autres verres, rends des petits verres à moutarde. Pardon, je me suis trompé. Putain, et non mais en plus, le vrai chiant, c'est que j'ai plus les cartons. Donc la vraie galère, c'est que je vais devoir aller choper les cartons, mettre les verres dedans, les ramener à la poste. Putain. Tu vas être de mauvaise humeur lundi. Mais je suis déjà de mauvaise humeur. Sinon, j'aurais pas commencé là-dessus, je vous aurais pas pris 5 minutes de votre vie pour vous raconter mon histoire de putain de verre. Wow. Vous savez quoi, la prochaine fois, je commande de l'Orangina. Merde. Allez, Dan joue sur Énergie, 6h08. Soyez les bienvenus. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Non, non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot. Chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Sois pas naïf, la calice, c'est sait très bien comment gérer sa vie. Charismatique, elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Tout assumé. Sur Énergie, les 6h11. Dans quelques secondes, on va se sentir moins con grâce au concon du jour qu'on remercie chaque jour. Ah oui. Avant ça, j'aimerais qu'on écoute un message qu'on a reçu sur notre application, l'application Manu dans le 6-9. Vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Il y a des cadeaux à gagner et vous pouvez nous envoyer des messages vocaux qu'on écoute pendant l'émission, comme celui-là. Coucou les wouah. Je me disais que ça faisait longtemps que vous aviez pas fait un faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Voilà, bisous, bonne journée. Oh. Il a tout à fait raison. Ouais. On n'en a pas fait du tout depuis le début de l'année. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je propose qu'on en fasse un. Ok. Ah. Voilà, comme ça vous voyez en direct comment on prépare l'émission. Faites pas genre, vous jamais, jamais fait. Le principe, il est très simple. On avoue des choses qu'on fait. Les choses, bon, ouais, souvent c'est un peu cracra, c'est pas très joli. Ouais. Mais on dit aux autres, faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Ouais. Et en général, les gens disent oui, c'est vrai. Mais des fois, il y a un silence. Ouais. Et là, c'est malaisant. 0870 42 48, vous pouvez venir avec nous. Tout de suite, voici les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. On démarre à l'aéroport de Roissy, ça s'est passé hier. La douane a fait une saisie record. Mmh. Une femme s'est fait gauler avec 600 cartouches de cigarettes non déclarées. Wow. Wow. Ça fait 116 kilos de tabac, wow, montant 46 400 euros. Comment elle s'est fait gauler? Parce que se balader dans l'aéroport avec elle seule, 8 valises. Mais non. La douane a trouvé ça un petit peu étrange. Elle a demandé à voir à l'intérieur, bim, toutes les cigarettes. Et c'est le fameux plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, mais, c'est ça. Mais pas là. Mais exemple. Alors après, je dis bravo aux douaniers qui ont trouvé ça louche. Parce que moi, de souvenir avec mon ex, quand on partait en vacances, 8 valises, ça, moi ça m'aurait pas choqué. Au Pérou, un homme va sur Google Maps pour voir, je sais pas si vous l'avez déjà fait, par curiosité, son quartier. Ah oui, ouais, oui, oui. Ouais. Et il tombe sur des photos du quartier, dont une d'une femme qui est sur un banc avec un homme qui est allongé, la tête sur ses genoux, et elle qui lui caresse les cheveux. Mmh. Ouais. Et là, il reconnaît sa femme. Oh, mais non. Mais avec donc son amant. Oh là là là là là. C'est affreux. Le mec, il a mis sa femme, il l'a mise devant les photos. Ah bah ouais. Il a demandé le divorce. Et là, tu peux pas dire c'est parce que tu crois. Ah non. Si, tu peux le dire et l'autre va dire ok, c'est pire. Dernier concours du jour. Ça passe aux États-Unis. Un homme doit porter un bracelet électronique 24 heures sur 24. Sauf que lui, il veut pas. Il décide de l'enlever avec une technique à lui qui consiste à utiliser un tournevis et un couteau à beurre. Et ça marche. Mais c'est pas tout, parce qu'il décide aussi de faire profiter de son astuce tout le monde en faisant un tuto sur YouTube. Sauf que quand tu fais un tuto sur YouTube, tout le monde le voit, dont la police, qui est tombée sur la vidéo. Le mec a été renvoyé en prison. Et en plus, je suis pas sûr que beaucoup de personnes aient besoin d'un tuto comme ça. Non, très peu. En plus, le mec, ça se trouve, il a fait que 4 vues. C'est 1h14, les concours du jour reviennent évidemment dès lundi à la même heure. On revient avec Kaigo et Imagine Dragons. Manu dans le 6-9. Oui, c'est Manu et tous ces ouin-ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta. fría como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como la olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Salut, c'est Presnel Kimpembe de l'équipe de France de football. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Merci Presnel Kimpembe, tu nous as fait peur hier. Hein. Ah ouais. Je sais pas si vous avez vu le match hier. Oh là là, à 5 minutes de la fin, on était mené 2-0 contre l'Islande. Ouais. Kylian Mbappé est rentré, bim, il a provoqué un but contre son camp de l'Islande et il a marqué un pénalty derrière, 2-2, on a sauvé. Ouais. Chaud. Ah ouais. Oh. Ouais. Moi, mon chauffeur de taxi m'a fait un petit résumé parce que j'avais pas vu le match et il m'a dit qu'en gros, sans Mbappé, on était foutus, que c'est un super héros, quoi. Tu vois, voilà. C'est ça, les filles et le foot. Tu leur racontes un truc, ouais. Elles te le re-racontent derrière. Ah, c'est ça que tu viens de raconter ? Oui, c'est ça que je voulais dire. Ok, j'avais pas compris. Alors, ça, en revanche, on l'a compris. 6h18, faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Qu'est-ce que vous faites ? Et vous vous dites, oh, mais c'est pas terrible ce que je suis en train de faire, mais je pense que les autres le font aussi. 0-870-42-48, juste après Kaigo sur Énergie. I knew it. sur Énergie, 6h22. On va écouter Labyrinthe avec Sia. Il y aura aussi Aya Nakamura. Mais avant ça, on va peut-être avoir des moments de flottement dans l'émission. Ouais. Faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Ouais. Le principe est simple. On avoue les choses qu'on fait, qui peuvent être un peu cracra, un peu pas très jolies. Et on termine par, faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Ouais. Et là, on voit les réponses des autres. Je peux commencer. Vas-y. Il m'arrive parfois, quand j'ai pas envie de parler aux gens et que je sais que je vais rencontrer quelqu'un, je prends mon téléphone à l'oreille, je fais genre je suis en conversation, j'avance très vite, je fais genre comme si je parlais à quelqu'un, ouais. Comme ça personne n'ose m'interrompre. Ouais. Ah ouais. Faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Si, mais moi ça m'est déjà arrivé que le téléphone sonne à ce moment-là. Oh, et c'est très gênant, tu passes vraiment pour un con. Alors, oui. C'est pas mal. Ouais. Mais si, ouais, bien sûr. Faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Paulette. J'ai envoyé love au 73400 pour savoir quand est-ce que j'allais trouver l'amour. Ah ouais. Hein, faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Et ben voilà. Alors. Ouais. Ça marche pas, ça. Je n'ai jamais envoyé non. Love au je sais pas quoi, je sais pas ah quoi. Ah bon, vous avez jamais fait ça? Non, non, jamais, non. J'ai peur que ça coûte trop cher, moi, en fait. J'ai peur qu'on se foute de ma gueule, surtout. Et encore plus quand on le raconte à la radio. Ah bah oui, mais bon, ça devient gênant, du coup. Faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Muriel, bonjour. Salut Manu, salut les wouah. Salut. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Alors, ouvrir un courrier qui ne nous était pas destiné juste par curiosité, faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Mais attends, un courrier qui n'était pas destiné, qui arrive chez toi ou tu ouvres les boîtes aux lettres, ouais, pour ça? Non, non, qui arrive chez toi par erreur, le facteur s'est trompé et tu ouvres le courrier. Ah et... Alors ça m'est, ouais, déjà arrivé, tu reçois une lettre chez toi, ouais, et effectivement, ouais, c'est pas pour toi. Ouais. Et oui. Mais le mec s'est planté l'adresse ou c'est le vieux locataire qui était là. Ouais. Bon, ouais, ou c'est le voisin. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Alors le voisin, je vois pas parce que je vais lui donner. Ouais. En revanche, quand je sais que ouais, on verra pas la personne. Ouais, j'ouvre pour savoir. Oh, quoi. C'est comme ça que j'ai découvert que le mec qui habitait là où j'habite maintenant, ouais, faisait des collections de maquettes de petits soldats. Oh non, je vous jure que c'est vrai. Ça m'avait fait tellement rire que je l'avais appelé pour lui dire votre commande de petits soldats. Merci de nous avoir appelé, Muriel. Belle journée à toi. Faites pas genre, vous l'avez jamais fait, Nico. Bon, moi j'ai déjà dit à ma femme que j'avais fait le ménage alors qu'en fait j'avais juste soufflé sur la poussière. Voilà. Faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Oh bah moi j'ai jamais fait. Hein. Ah bah ouais. Si. Bah non. Ah bah si, tu dis que t'as fait un truc, mais tu l'as fait un petit peu à moitié, quoi. Au niveau du ménage. Oui. Mais quel est l'intérêt, en fait, tu restes dans la poussière? Ah bah non, c'est un gain de temps de ouf. Hein. Ah bah oui, l'intérêt, c'est que tu continues ton jeu vidéo. Ah ouais. Tu sais que la prochaine fois, ce sera son tour de faire le ménage, quoi. Vous êtes vraiment vilain. Franchement, là, au niveau des raisons, on est home, là. Ouais. Romain, bonjour. Salut Manu, salut les Wawins. Bienvenue sur Énergie, Romain, on t'écoute. Faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Alors, faire un petit pipi sous la douche. Faites pas genre, vous l'avez jamais fait. Ah bah oui. Ah bah ouais. Mais alors on en a même parlé dans l'émission. Faire pipi sous la douche, c'est écolo. Ça économise à mort l'eau des toilettes. Ouais, quoi. Ouais, énormément. Et apparemment c'est pas sale du tout, hein. Ouais. Parce que parce que le pipi n'est pas sale. Le pipi c'est même antiseptique, je crois. Ouais. Il n'y a aucun. Paulette qui rigole. Ah. Bah tu vas voir, tu vas taper sur Wikipédia ou je sais sûrement, pas. Oui, sûrement, mais bon, je prendrai pas un bain chez toi. Hein. En même temps, ce serait bizarre, non? Paulette, ce serait quand même étrange que je te dise, tiens, si tu viens prendre un bain à la maison. Merci Romain de nous avoir appelé. Belle journée à toi, 6h25. On revient tout de suite sur Énergie. On va s'écouter Aya Nakamura. Et dans un petit quart d'heure, c'est les sondages du matin qui reviennent. Bienvenue sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. Je viens de le dire. Ouais. Bienvenue sur Énergie. Oh! Autre chose. Dis-moi. Manu dans 6-9. C'est rigolo! Tous les matins sur Énergie. Moi, je préférais celui d'avant. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez. Les plus gros hits. Toute la journée. Oh. Only.

Salut Manu, bonjour à tous. Du nord au sud, le soleil ne fait pas de jaloux aujourd'hui avec une très belle journée digne d'une fin août. Ça brille largement malgré quelques nuages et un peu de grisaille encore persistante sur le Languedoc ce matin. 20 degrés attendus à Brest, 22 à Montpellier, on aura 24 à Chalon, Lille et Dijon, 25 pour les maxis à Beauvais et Toulon. Ce sera encore mieux pour demain avant le retour malheureusement de la pluie pour dimanche. Et dans l'actu ce matin, une vie avec le strict minimum. De plus en plus de Français doivent s'en contenter selon un rapport sur la pauvreté dans le pays. Le constat est alarmant. Près de 5 millions de personnes vivent avec moins de 855 euros par mois. Parmi les catégories les plus touchées, les 18-25 ans, un jeune Français sur 5 vit sous le seuil de pauvreté à cause notamment de la hausse des loyers et d'une baisse du nombre de diplômés dans le pays. À l'étranger, des toits arrachés, des maisons submergées, voire même pulvérisées. Les images de l'ouragan Michael font le tour de la planète depuis hier. L'ouragan le plus fort de l'histoire de la Floride a balayé le nord de l'État avec des vents à plus de 250 km/h. Ce matin, le dernier bilan humain s'est encore alourdi à 6 morts. Du temps, de l'énergie, du matériel, tout ça, ça coûte cher. Eh bien, la recherche médicale a besoin de vous pour avancer à l'occasion du Pasteur Don qui se poursuit jusqu'à dimanche. Les labos et les patients comptent sur vous pour les aider à trouver de nouveaux traitements. Rendez-vous sur pasteurdon.fr. Un semestre pour étudier, voyager, s'ouvrir l'esprit. Le programme d'échange Erasmus vient à la rencontre des étudiants aujourd'hui et demain sur les campus à l'occasion des Erasmus Days. Au programme des conférences, des concerts et des témoignages pour présenter le dispositif qui s'est encore élargi aux apprentis, notamment l'an dernier. L'occasion de se renseigner, pourquoi pas de déposer dès aujourd'hui un dossier de candidature. Il n'y a pas d'âge pour tout donner sur scène. The Voice Kids est de retour ce soir sur TF1 pour une 5e saison. Nouveaux talents, mais aussi nouveaux coachs, puisque Jennifer et Patrick Fiori ont été rejoints par Amel Bent et Soprano. Le rappeur a été un peu déstabilisé d'ailleurs par les auditions. Un exercice pas évident à gérer et surtout de très belles surprises. Le fait que tu sois de dos, moi c'est la première fois que je fais ça. J'entends la première mélodie, ton cerveau il part dans tous les sens. C'est une fille, c'est un garçon, quelle chanson il va chanter, c'est quoi cette chanson, quelle tonalité. Tu vas dans tous les sens. Alors que quand tu vois une personne, tu as des a priori, tous les clichés que la société t'a mis. Et quand il y en a un qui a une voix, qui dégage quelque chose juste à travers la voix, bien sûr tu es pris dans un univers et ça c'est un truc de fou. Moi j'ai des enfants, je sais comment ça chante, je sais comment ça danse, je vis ça tous les jours. Je ne m'attendais pas à ça en fait. J'ai pris une claque sur le niveau, sur la technique, la prestance, les émotions. J'étais choqué. Ouais, Soprano également nommé parmi les artistes masculins francophones au Energy Music Awards. Rendez-vous sur energy.fr. Comme chaque jour, c'est les sondages du matin qui arrivent. 12% des gens ont déjà rompu avec l'autre parce qu'il avait oublié ça. Wow. Parce qu'il avait oublié quoi? La réponse, c'est dans 3 minutes juste après. Yana Kamoura, tout le monde est là comme chaque matin, les mois du matin, évidemment, pour démarrer ce vendredi. Il y a le week-end qui arrive. Il y a Isabelle, évidemment. Gandu est là aussi. Il y a Paulette. Hello. Il y a Nico. Ouais. N'hésitez pas à nous rejoindre. 0870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. On les écoute pendant les émissions. Ouais. Enfin, pendant l'émission. Bah ouais. qu'est-ce qu'on a dans les infos? Ah, hier, on en a pas parlé. Ouais. Alors c'est quand même le lancement du nouveau Candy Crush. Oh hein? Mais non. Oui, Candy Crush existe encore. Ouais. Et ils ont sorti un nouveau jeu qui s'appelle Candy Crush Friends. Alors, on se dit c'est le vieux jeu, c'est un peu comme Pokémon Go, c'est-à-dire que plus personne n'y joue. Ouais. En fait, Candy Crush, c'est 1000 milliards de parties jouées dans 176 pays depuis 2012. C'est ouf. Oh là là. Incroyable. C'est dingue. Putain, mon père, il y joue toujours toute la journée, quoi. Il est derrière son ordi et il me dit, joue en ligne avec des gens et tout. Je le crois jamais, quoi. Mais apparemment, si. Alors, il est pas seul. Ah non, non, non. Ouais. 1000 milliards de parties. C'est ouf. Dans 176 pays. Il y a des gens qui jouent encore à Candy Crush. Mais oui. Et le nombre de parties aux toilettes, j'aimerais bien avoir le chiffre. Ah bah, c'est 100%. t'as Candy Crush, t'as Angry Birds. Ouais, t'as aussi. Comment il s'appelait ce jeu où tu découpais les légumes, là? Fruit Ninja. C'est génial. Le vieux jeu à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est un chiffre qui a été dévoilé. Si on veut sauver la planète et nourrir les 10 milliards d'humains attendus d'ici 2050, nous devons réduire de 90% notre consommation de viande. Ah bah, oui. Voilà, super. Tu vois, t'as noté Paulette. Parce que je rappelle quand même que Paulette est censée être la végane de l'équipe, mais qu'en fait à chaque fois qu'on va au resto, elle craque, elle mange de la viande. Ce qui fait qu'en fait fondamentalement, au bout d'une semaine, c'est elle qui a mangé le plus de viande. Allez, 6h36, dans 3 minutes, c'est les sondages du matin. Juste après Aya Nakamura. Bon réveil, bienvenue. Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin. Énergie, 6h38, on va écouter Labyrinthe avec Sia, ça arrive dans 2 minutes. Et avant ça, comme chaque jour, voici les sondages, pas n'importe lesquels, les sondages du matin. Parce que ce sont les sondages et parce que c'est le matin. Ah, ouais. C'est beau. Ouais, ça s'appelle le génie. 80% des gens trouvent ça relaxant. D'après vous, de quoi il s'agit? Le jacuzzi. Effectivement, mais c'est pas ça. C'est sexuel ou pas du tout? Alors, c'est pas du tout sexuel et c'est pas un truc évident auquel on pense tout de suite, comme le jacuzzi ou les bains à remous, tous ces trucs-là. Le shopping. C'est pas le shopping. L'émission Les chiffres et les lettres. C'est relaxant. C'est relaxant les chiffres et les lettres. Quand ils tirent les lettres et c'est vachement apaisant. Ah, parce que quand tu vois les gens du public, ils sont pas relaxés, ils sont morts. C'est différent. C'est une activité sportive ou pas du tout? Pas du tout. C'est en plein air? Alors non, et ce n'est pas une activité. On a fait quelque chose, et là, quand on a fini, on fait c'est relaxant. C'est quelque chose normalement qui est un peu chiant. Oui. Ouais, c'est quand t'as rangé ta maison. Eh ben, c'est exactement ça. Le truc, c'est une maison propre. 80% des gens trouvent ça relaxant, une maison propre. C'est pas forcément quand tu l'as rangée, c'est peut-être quand l'autre l'a rangée. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal ça. Bravo Manu. Non, je voulais dire. De mieux en mieux. Non, comme disait ma mamie, en fait, une maison bien rangée, c'est une tête bien rangée. Et ça, faut y penser plus souvent. Qu'est-ce que ta mamie vient foutre dans notre émission? 12% des gens ont déjà rompu avec l'autre parce qu'il a oublié ça. Paulette. Un repas chez les beaux-parents. Ah, moi, tu ne pointes pas, c'est mort. Hein. C'est pas ça. C'est son prénom, ses deuxièmes prénoms. Non plus. C'est pas un oubli d'humain, de quelqu'un de. Non, c'est pas genre on a oublié l'autre enfant il y a 2 ans. Non, c'est pas ça. Okay. Est-ce que c'est une date? C'est une date, absolument. L'anniversaire. Ouais. 12% des gens ont rompu avec l'autre parce qu'il avait oublié son anniversaire. Ouais. C'est un peu dur quand même. Alors, c'est un peu too much, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec Facebook, putain, tu peux plus te planter quoi. Ouais. Avec les rappels sur le téléphone, si vraiment tu te plantes, c'est que t'aimes pas trop l'autre personne. On va pas se mentir, je sais que toi, Manu, t'es pas le meilleur exemple pour ça. Mais pour personne. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Bernard. noir. Manu vient de le sortir. 7 personnes sur 10 se sentent coupables quand elles ne font pas ça avant de se coucher. Quand elles ne font pas quoi avant de se coucher glandu ? Prends une douche. C'est pas ça. Se laver les dents ? C'est pas ça, mais alors c'est un rapport avec la propreté quand même. D'accord. Oula. Ok, ouais. Faire la vaisselle ? Eh bah oui, faire la vaisselle. Ah bah oh là ouais. Là, mais t'es fort ce matin, toi. Ouais, ma femme, elle le fait, quoi. Elle est chiante. Attends, je crois qu'Isabelle a envie de toi. Ouais, il y a un délire. Non, mais il a trouvé toutes les réponses. Ah bah oui, bah. Bah ouais, non, mais c'est vrai que ma femme, à chaque fois qu'on fait une soirée avec des potes, moi j'aime bien, après, je suis crevé, je veux aller me coucher, elle dit attends, il faut ranger, quoi. Et tu fais pas ça quand t'es jeune, normalement. Pour moi, c'est un truc quand t'es adulte. Ouais. Mais je sais pas, au-delà de se dire faut que ce soit propre, c'est que 7 personnes sur 10 se sentent coupables. Ah ouais, elles font pas la vaisselle, le truc. C'est-à-dire coupable, quoi. Oh, je peux pas, c'est pas bien. Mais là, je trouve qu'on retrouve le premier sondage qui disait qu'on trouvait ça relaxant. Ouais. C'est pour ça qu'elle fait la vaisselle avant de se coucher. Mais très bien, qu'elle le fasse. C'est bizarre. Oh, vous êtes lourds. Oui. 6h42, on va s'écouter Labrine Tessia, les sondages du matin, évidemment. Ils reviennent dès lundi à la même heure. Juste après Labrine Tessia, j'ai une liste que je vais partager avec vous. C'est une liste de phrases de maman à leurs enfants quand ils repartent de chez elles. Mais pas quand les enfants ont 12 ans, quand les enfants ont 30 ans, 40 ans. Mmh. Genre, tu m'appelles quand tu arrives. Hein. Oh. Ah oui, ces petites phrases-là. Ah ouais. Allez, à tout de suite. Tout de suite, c'est Labrine Tessia. Sur Énergie, il est 6h45. On va écouter Dino Ro avec Gigi D'Agostino parce que l'été n'est pas parti. Mais non. Alors, on s'écoute dans 2 minutes. Avant ça, on va parler des phrases que nous sortent nos parents quand on part de chez eux. Ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. J'ai trouvé une liste de phrases de maman à leurs enfants quand les enfants partent de chez eux. Ouais. Mais quand les enfants ont pas 12 ans, hein, quand les enfants ont 30, 40 ans. Ouais. Tu m'appelles quand t'arrives. Hein. Ouais. Ouais. Classique. Le classique. T'as pas un manteau plus chaud ? Tiens, prends celui de ton père, il s'en sert jamais. Je t'ai préparé du hachis parmentier, tu demanderas au wagon-bar de te le réchauffer. Ah ouais. Oh non, là. Ça c'est sympa parce que les plats de maman ils sont toujours meilleurs que les autres quoi. Ouais. Moi je pars avec des plats pour la semaine quand je vais. Ouais, mais après tu te tapes les Tupperware pendant 10 ans dans ton sac quoi. Ouais, mais ça a pas le même goût, ça a pas le même goût. Il est mignon. Autre phrase de papa ou de maman quand on parle de chez eux. T'as tes clés, t'as tes sous, t'as ta carte d'identité, t'as ton téléphone. Ah, c'est ça. C'est tellement vrai. Il y a aussi appelle ta grand-mère. Ouais. Ah, oui, ouais. Oui, ça bien sûr. Ouais. Tu me disais que t'avais plus de piles dans ta souris sans fil. Envoie-la 3 paquets de 12. Le fameux aussi, tu peux garder les Tupperware, j'en ai plein ici. Ah oui. C'est incroyable, hein, mais est-ce que les mamans pondent des Tupperware? Non mais vraiment, je me pose la question. Et un petit dernier, tu veux du produit pour les vitres? J'en ai 2 bouteilles ici. Mais les parents, ils ont toujours des trucs qu'on n'a pas, plusieurs exemplaires. Ouais, c'est ça. Je propose de continuer cette liste. Quelles sont les phrases que vos parents vous sortent quand vous les quittez? Nico. Le fameux « tu reviens quand ?» C'est que t'as pas encore passé le pas de la porte, c'est tu reviens quand? Bah maman, je t'appelle, on va s'organiser, t'inquiète. Oui mais tu reviens quand? Bah je sais pas, j'ai pas de date. Attends, je prends mon agenda. Maman, j'ai pas de date. Oh, c'est trop mignon. Julie est avec nous au 0870 42 48. Bonjour Julie. Coucou Manu, coucou l'équipe. Coucou. Hello. Bienvenue sur Énergie. Quelle est la phrase que ta maman ou ton papa te sort régulièrement quand tu pars de chez eux? Ah ouais, alors écoute, moi à chaque fois que je vais chez eux et que j'en repars, c'est n'hésite pas à nous présenter ton copain la prochaine fois que tu viens. Oh, ah mais oui, ah, bah oui, mais évidemment, c'est le côté comme quand tu vas à un mariage de famille et qu'on fait alors Julie, la prochaine. Ouais. Et oui, c'est dur comme ça. T'es le dernier célibataire, plus les années passent, plus tu les autres commencent à se mettre en couple et tout. Ouais. Sois patiente, Julie, t'inquiète pas, ils vont divorcer tranquillement, ça va se remettre en route. Excusez-moi, hashtag ma vie, pardon. Julie, on t'embrasse, merci de nous avoir appelé. Quelle phrase vous sortent vos papas, vos mamans quand vous repartez de chez eux, Isabelle? Alors moi, ma mère me dit traverse dans les clous, hein, surtout. Oh, et, c'est mignon. Mais, sauf que les clous, en plus, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, ce sont des passages piétons. Mmh. Oui, c'est vrai. Mais si tu commences à expliquer à tes parents toutes les choses qui n'existent plus. Oui, c'est vrai, ça peut être long. Oui. Tu sais, quand mon père me dit, tu iras sur Minitel voir l'adresse, je dis oui. Les phrases de papa et de maman quand on part de chez eux. Moi, maman, elle me dit, n'oublie pas 5 fruits et légumes par jour. Oh. Bah, elle sait que je me nourris mal, quoi. Je suis même pas à 2, donc. Non, non, mais là, globalement, Glandu, il en est à 5 knackis par jour. C'est un bon début. Ouais. Stéphanie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Quand tu pars de chez tes parents, quelle est la phrase que va te dire ta maman? Alors, c'était plus mon papa. Alors, il me disait, attention, fais attention aux escargots sur la route. Fais attention aux escargots sur la route. Ah ouais. Exact. C'est étrange comme phrase. Ouais. Pourquoi il disait ça? Justement, c'est parce que ça n'avait aucun rapport. C'était tellement insensé que lui, ça le faisait tellement rire. Oh. Et qui que ce soit, ça nous faisait rire, quoi. Ah, c'est les fameuses blagues de papa, quoi. Justement l'effet décalé, quoi. Ah, ouais, c'est mignon. On choisit pas son papa? Oui, mais c'était un grand monsieur malgré tout. On te remercie de nous avoir appelé, Stéphanie. Paulette, phrase de papa, phrase de maman. Ouais, mon papa, à chaque fois que je pars de chez lui, il me dit méfie-toi des hommes. Si problème, j'arrive. Oh là. Ah, j'adore. Ouais. Il est toujours prêt, hein. Il doit être sympa quand il rencontre tes mecs, lui. Ouais, c'est clair. Alors, c'est toi qui veux ma fille? Eh ben, viens, on va parler sur un ring de boxe. Ensuite, on ira faire du karaté, du judo, et ensuite, tu mettras sur cette cible là-bas. Et j'enverrai les couteaux. 6h49, Dino sur Énergie. 7h52, soyez les bienvenus sur Énergie. On va s'écouter Kenji, aussi le dernier Maroon 5. Et à 7h05, on va doubler votre salaire pour la première fois de la matinée. Ouais. Avant ça, j'ai soit une étude qui a été menée auprès des femmes sur les choses qui peuvent faire rater un premier rendez-vous. Ah ouais, ouais. Oh. Soit, sinon j'ai un truc sur le site Topito aussi, où ils ont fait un truc très drôle. Ils se sont demandé à chaque fois entre deux animaux lequel était le plus fort. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça. Ah ouais. C'est deux bons trucs. Ah, ok. Ouais. Moi, je vais pour les animaux. Pour les animaux, ouais, Isa, ouais. Nico. Ouais, bah comme Isa, ouais. Vas-y, animaux. Ouais. Ok, allez. C'est parti. Allez. Entre deux animaux, lequel est le plus fort? Le kangourou contre le tigre. Ah, bah. Qui est le plus fort? Bon, c'est le tigre, à mon avis, quand même, avec ses grosses griffes, ses gros crocs. Ouais. Ah, mais il faut qu'il chope le kangourou qui saute partout. Oh, ça le fait, je pense. Ouais. Moi, je pense que le kangourou, il peut le choper et le jeter. Je pense qu'il a plus de force. Voilà. Ah ouais? Ouais, je le vois hyper fort, moi. Ah, mais le kangourou, il boxe! Mais ouais, oui. Mais il est pas très puissant non plus, quoi. Ah bon? Oui, mais sauf que le kangourou, il peut planquer aussi des armes dans sa poche. Ah, ça, oui, par contre. Ah, bah, un revolver dans sa poche. Ouais, ouais, le tigre, okay. Là, il pense que tout va bien. Et là, le kangourou, il sort une putain de mitraille de sa poche. Voir un missile. Ah bah là, je peux dire que le tigre, il fera moins le malin. Qui est le plus fort? L'ours contre le lion? Oh, c'est dur. Ah, ça, c'est pas facile. L'ours contre le lion. Bah, en termes de hiérarchie, je dirais le lion, normalement. C'est le roi de la forêt, quoi, le roi des animaux. Ouais, mais en termes de carrure et de balèze, excuse-moi, l'ours. Ouais, mais si l'ours a un minimum de respect, non, il respecte le patron, quoi. Non. Hein? Moi, je dirais l'ours, parce qu'en plus, il peut grimper aux arbres et lui sauter dessus ensuite de très haut. Mmh. Et l'assommer. Ça grimpe aux arbres, un ours? Ouais, un ours, crois, ça peut grimper aux arbres, je crois. Ouais. Et moi, je pense à la scène dans The Revenant avec l'ours, si vous l'avez vu, avec Leonardo. Oh là là là, quand il se fait tuer par le l'ours. Oh non. Et ben à mon avis, c'est l'ours le plus fort. Ah, ouais. Tu viens de spoiler le film, donc là. Hein. Oh, c'est pas non. Bien. Bah, y a pas que ça. Non, c'est le début. Il meurt pas en vrai. Ah, que ça. Ouais. Oh les gars. Qui est le plus fort, le dragon contre l'éléphant? Bah. Le dragon, il peut même pas l'approcher, il lui crache du feu dessus. Bah ouais, je suis aussi d'accord. Ouais. Ouais, c'est bizarre comme truc. Ou alors non, c'est que l'éléphant, il a une trompe, il a été prendre de l'eau. Et quand le dragon, il envoie sa flamme, l'éléphant, il fait le pompier. Et il lui envoie de l'eau dans la bouche, après le dragon, il fait... Et du coup, il a gagné. Ouais. Un dernier, qui est le plus fort entre la guêpe et le pigeon? Oula. Une guêpe, un pigeon. Bah, qui va gagner? Bah, une guêpe, bah, si le pigeon fait popo sur une guêpe, je pense que la guêpe n'a aucune chance. Hein. Parce que déjà sur notre épaule, c'est chaud. On va pas se mentir. Ouais, mais après, il faut que le pigeon ce soit vraiment un pigeon viseur, quoi. Il s'est entraîné, le gars. Allez, 6h55, on revient tout de suite. On va écouter Kenji. Et dans 10 minutes pile à 7h05, on double votre salaire. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9, c'est tous les matins avec Paulette, Nico et Glandu. Isabelle, c'est sur Énergie. Faux stars préférées reviennent tout à calme. Hello everybody. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Welcome. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Les Energy Music Awards 2018 avec Laser Game Evolution, créateur français du jeu 100% laser. Laser Game, c'est nous. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Ce week-end, ce sont les portes ouvertes Peugeot. Vous désirez plus que tout la superbe citadine compacte Peugeot 208 avec navigation 3D et parc assist, idéal en ville et partout ailleurs. Alors cédez à la tentation pour enfin laisser place à une expérience de conduite unique. Pendant les portes ouvertes, Peugeot reprend votre véhicule 2 900 € en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 208 neuve. Découvrez les véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Conditions sur offre.peugeot.fr. Intersport. Quand Paul sort, c'est souvent en jogging basket. Paul, t'es sûr que tu veux sortir comme ça? Mais depuis qu'il s'est offert le Total Look Adidas... Attends-moi, je viens avec toi. Chez Intersport, du 8 au 14 octobre, c'est l'Adidas Week. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 30% sur une large sélection de produits Adidas. C'est 30% de réduction et 100% de style en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Voir conditions et articles signalés en magasin, liste des magasins participants sur intersport.fr. Adidas Week, semaine Adidas. Avec Canal+, le spectacle ne s'arrête jamais. En octobre, profitez des grands films de l'année. Au revoir là-haut, Justice League, Le Brio, Épouse-moi mon pote. Vivez les plus belles rencontres avec OM-PSG en Ligue 1 Conforama. Découvrez la toute nouvelle saison du Bureau des Légendes, la nouvelle série événement Castle Rock. Et vous n'avez encore rien vu.

Et dans l'actu ce matin, un nouveau système pour ne plus se tromper à la pompe. Que vous soyez en France, en Espagne ou n'importe où en Europe, désormais les carburants portent tous le même nom. Dès aujourd'hui, de nouvelles étiquettes viennent s'ajouter aux anciennes appellations. Le sans-plomb 95 et 98 sont renommés E5 avec un logo en forme de cercle. Et si vous roulez au diesel, il faudra repérer le sigle B7 avec un carré autour. On espère passer la barre des 2 millions d'euros. La mobilisation continue jusqu'à dimanche pour le Pastordon. Les labos et les patients comptent sur vous pour financer la recherche médicale contre le sida, Alzheimer ou encore contre le cancer. Pour participer, rendez-vous sur pastordon.fr ou par téléphone au 36 20. Dans le Var, l'heure est au bilan et au nettoyage après les intempéries qui ont frappé le département dans la nuit de mercredi à jeudi. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en quelques minutes et plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit. Hier, deux personnes ont été retrouvées noyées dans leur voiture, emportées jusqu'à la mer. Autre caprice de la météo, encore plus impressionnant cette fois, l'ouragan Michael, le plus fort de l'histoire de la Floride, a balayé le nord de l'État avec des vents à plus de 250 km/h. Les images de maisons littéralement pulvérisées font le tour du monde depuis hier. Ce matin, le dernier bilan humain s'est alourdi à 6 morts. Ils ont passé la première moitié de leur voyage. Les 150 passagers de l'Airbus A350 pour New York ont bien décollé de Singapour hier, en fin d'après-midi. Ils ont embarqué en fait pour le vol commercial le plus long au monde, 19 heures sans escale jusqu'aux États-Unis. À bord, en tout cas, tout est prévu pour patienter avec des séances de relaxation, des plateaux repas un peu améliorés et une bibliothèque de 1200 heures de films et séries. Le vol possède même deux équipes d'hôtesses et stewards qui se relaient sur deux journées de travail. Une belle frayeur en sport. Les champions du monde en titre ont tremblé face à l'Islande hier. Les Bleus ont concédé le match nul de partout en amical sur la pelouse de Guingamp. Ils ont même été menés 2-0 avant le coup d'accélérateur de Kylian Mbappé. Il faudra reprendre confiance d'ici mardi avec la réception de l'Allemagne pour la Ligue des Nations. Ce sera au Stade de France. On l'a découvert en sorcier, il revient en Playmobil. Daniel Radcliffe se prépare à tourner la toute première adaptation ciné du fameux jeu pour enfants. Le héros de la saga Harry Potter va prêter sa voix, mais aussi ses traits au personnage de ce film qui mélangera animation et images réelles. Au casting, on retrouvera également Meghan Trainor dans le rôle d'une fée, mais aussi à la BO. Voilà pour vos infos, en temps de Manu dans 6-9. Bon réveil sur Énergie. Minutes, soyez les bienvenus sur Énergie. Nous sommes le 12 octobre, c'est le week-end qui arrive. Bonjour vendredi! Bonjour vendredi! On va écouter Kenji dans 2 minutes. On va doubler votre salaire. Aujourd'hui, c'est le 12 octobre. Plusieurs choses. Ouais. D'abord, journée mondiale. C'est la journée mondiale de la vue. Ah bah oui. La vue? Tout le monde est intéressé. La vue, oh oui. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais c'est très important de tester sa vue régulièrement. Absolument, bien sûr. N'hésitez pas à aller chez l'ophtalmologiste pour tester votre vue. Mais je vous rappelle que, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans l'émission, je crois que le délai d'attente pour aller chez un ophtalmo, c'est de 80 jours. C'est-à-dire deux mois et demi. Donc si tu as un problème à l'œil, au bout de 80 jours, tu veux dire, il va t'enlever. Hein. Affaire réglée. Moi, je suis trop contente parce que j'ai 12 sur 10 à un œil. Je pensais pas que c'était possible. Du coup, je vois des trucs de super loin. Je suis pratique. Wow. 12 sur 10 ? Ouais, j'ai 12 sur 10. C'est génial parce que dans genre au McDo, quand tu fais la queue et que t'es de loin, on peut te demander est-ce qu'il est bon le burger là-bas. Oui. Tu vois, quand t'as trouvé une utilité. Mais voilà, ça y est. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Hugh Jackman. Vous voyez qui est Hugh Jackman ? Oui. Ouais. C'est Wolverine. Bah oui, bien sûr. Il a 50 ans aujourd'hui. Alors, résumé de Wolverine, si vous voyez pas qui c'est. C'est un mec poilu qui a des griffes, du coup il peut pas se gratter les coucouilles, sinon il meurt. Voilà. Oh, le résumé. Mais quand on regarde un match de foot, c'est problématique d'être Wolverine. 7h06, on va doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire à énergie.fr ou manu dans le 6-9.com, ça prend quelques secondes et évidemment c'est gratuit. C'est ce qu'a fait Aurélie. Elle habite Bar-le-Duc, c'est dans la Meuse, elle a 34 ans et elle touche, et c'est pas beaucoup. 830 euros. Bah non. Ouais. Oh. Attention. Ophélie, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Bar-le-Duc, dans la Meuse. Décroche ce téléphone, s'il te plaît. Ah. Oui. Allô? Allô? Oui. Ophélie? Oui, c'est Ophélie. Ophélie de Bar-le-Duc? Oui. Dans la Meuse? Oui, dans la Meuse, oui. Pas Bar-le-Duc en Gironde. Non, non, du tout, je savais même pas que ça existait. Alors ça n'existe pas. Ophélie, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu, c'est Rénervé. Et voilà. Mais tu peux être contente, Ophélie, on va te doubler ton salaire, 830 euros x 2, ça fait 1660 euros pour toi. Ah ouais, c'est top. Mais oui. Purée, pardon, purée. Je t'en prie. Mais 830 euros, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est parce que je suis à mi-temps, en fait. Oh. Ah, voilà. Et pourquoi t'es à mi-temps? Ben parce que je m'occupe de mes enfants à côté. Oh, voilà l'excuse. Ophélie, tu es bibliothécaire. Oui, c'est ça. En bibliothèque universitaire. Ah. J'adore les bibliothèques. Manu. Ah, mais attends. On t'adore, Manu. Mais Ophélie, je vais te dire, je peux passer, si je pouvais, ouais, passer des week-ends entiers dans les bibliothèques. Ah ouais. Mais, j'adore fouiller et trouver des pépites à lire. Moi, c'est l'endroit où je dors le mieux, les bibliothèques. Non, non, mais c'est vrai, faire des siestes, c'est inégalable. Oui, moi, je déconne. Hein. Et Ophélie, j'imagine que tu portes des lunettes. C'est l'idée, oui, c'est que... Ça. Oh, génial. Tu vois, c'est l'idée que je me faisais des bibliothécaires, ben là, je suis pas déçu. Merci, c'est, Ophélie. C'est vrai que Ophélie, si on... écoute, il n'y a que ça pour te faire plaisir, ça me fait plaisir aussi. C'est vrai que dans l'imaginaire, le bibliothécaire, c'est une fille qui a des lunettes et des toiles d'araignée sous les bras. Non, elle dit chute aussi. Ah, elle dit chute aussi. Ouais, elle dit chute. Ah oui, ah, ça oui, ça je confirme, oui. Ah, alors, est-ce que tu peux nous faire un chute de bibliothécaire? Bien sûr. Ouais. Parce que la bibliothécaire, elle va pas jusqu'au bout du chute, elle fait juste le chut. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Ce qui est bien, c'est que ça doit marcher aussi avec tes enfants, du coup, Ophélie, ce chute là. Ah, alors avec le nom. Autant mes enfants, pas du tout. Alors, Ophélie, j'aimerais qu'on fasse un truc. Excusez-moi, j'ai eu un flash. Ouais. Honnêtement, dans l'équipe, on va être très très honnête, on ne lit pas beaucoup. Ah non. Moi vraiment, je lis très très très très très très peu. Mmh. Je fais comme tout le monde. Au début de l'été, j'achète un truc au relais, ok, et je le laisse dans le sac. Voilà. Ouais. Et mais j'en ai comme ça, je commence à en avoir un paquet maintenant, des livres que j'ai jamais lus. T'as dit un truc, mais donc c'est un livre dont tu parles. Oui, un livre. Ophélie. Oui. Donne-nous un livre, un seul, qui va nous donner envie de lire. Et on le lit tous. Mmh. On l'achète et on le lit tous. Ah, cool. Okay. Pas trop gros, pas trop gros. Non, pas trop gros, pas trop gros. Non, un bouquin genre un truc comme ça, c'est bon. Oh non. Mais voilà, t'as quelqu'un. On est comme des milliers de personnes. Ouais. On lit pas parce qu'on est sur Internet et qu'on joue aux jeux vidéo et qu'on fait plein de trucs. Ouais. Et voilà, et qu'on préfère aller faire des pique-niques. Ouais. Ophélie, donne-nous un livre, un seul livre qui va nous donner envie de lire. Eh ben, tu sais, moi, je suis en bibliothèque universitaire de sciences. Ah ouais. Du coup, voilà. Du coup, après, tu vas un livre. Moi, je te conseille un livre de Bernard Werber, Le Papillon des Étoiles. Le Papillon des Étoiles, okay. Bernard Werber. D'accord. Oui, c'est ça. Ok, je sais pas comment ça s'écrit. Ah, Werber, oui, bien sûr, les barbecues. Oh non, Manu. Oh, il y a 343 pages. Ça va, 343. Oh. Ah ouais, ça va. C'est gros. Ouais, ça va te plaire, c'est de la science-fiction en plus, Manu. Cool. Le Papillon des Étoiles. Voilà, tu vois, okay. Oui, c'est ça. Je vais dans un instant aller commander. Je vais commander 1, 2, 3, 4, 5 exemplaires du Papillon des Étoiles. Bernard Werber peut me remercier, hein, parce qu'en plus, franchement, il ne marche pas tellement, lui. On va tous le dire grâce à toi, Ophélie. Ok. Et on vous dira comment ça s'est passé. On t'embrasse fort, Ophélie. On double ton salaire, 1660 euros. Gros bisous. Gros bisous à vous. 7h10, ça peut vous arriver, vous aussi. Il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com. C'est gratuit, évidemment. À 8h05, on double encore votre salaire. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Tout oublié, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, pour oublier. Pour oublier. passe à pleurer sa moncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oubliez l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Ah, au Energy Music Awards? Ouais, bah oui. Ah, bah oui. Ouais. Bah, il a pondu quand même 2-3 trucs cette année là. Alors. Ouais, il a pondu. La critique musicale, bah il nous a pondu des bons morceaux cette année. Alors dis-moi, il s'est donné là, Kenji. Mais je crois qu'il est même nommé artiste francophone de l'année. Ouais. Donc c'est pas n'importe quoi. Les Energy Music Awards, c'est le 10 novembre. Et je vous rappelle que cette année, vous pouvez voter jusqu'au 9 novembre. Ouais. Yes. C'est-à-dire que vous pouvez voter et à la fin vous dire non, je change, bim, à la dernière minute. Comme ça, on croit qu'on gagne. En fait, non, on gagne pas. Les Energy Music Awards, c'est le 10 novembre. Et je vous annonce que tout à l'heure, au jeu des 5 mots, dans une demi-heure, je vous offre vos places pour les Energy Music Awards. Ouais. Génial. Et pas que les places, transport et hébergement. Classe. C'est la classe. Oh, cool. Ce sera tout à l'heure vers 7h40. On va écouter les Maroon 5 avec Cardi B, ça arrive. Juste avant ça, attention, nous allons parler premier rendez-vous. Ah. J'ai une étude qui a été menée auprès des femmes sur des choses un peu surprenantes qui peuvent faire rater un premier rendez-vous. Donc okay. Ça s'adresse aux hommes. Ouais. Si vous avez un premier rendez-vous ce week-end, écoutez. Si vous venez trop bien habillé. Ah ouais? Venir trop bien habillé, apparemment. En fait, ça gêne les filles. Ouais, ça fait le mec qui a pas eu de premier rendez-vous depuis très longtemps, quoi. Et du coup, il s'est mis sur son 31, il veut non, pas. Non, puis on aime bien que vous soyez un peu détendu. Moi, un mec qui arrivait avec un petit sweat et un pantalon un peu chic, mais un sweat, je me dis, oh, il est cool, quoi, le gars, okay. Il est détendu. Ah ouais. Et un pantacourt et un t-shirt bariolé. Bah, du coup, je m'en vais. Dans les choses qui peuvent faire rater un premier rendez-vous, il y a aussi prendre une photo de notre plat au restaurant. Apparemment. Ah. Ça embrouille les filles. Oh ouais. Ah ouais. Ça va, j'ai pas envie d'avoir un mec qui fait des trucs sur Instagram, c'est pour moi ça. Ok. Ça marche. Dans les choses qui peuvent faire rater un premier rendez-vous, il y a aussi prendre un selfie avec elle. C'est bizarre. T'es au premier rendez-vous, là tu fais attends, on va prendre une photo, je vais la mettre sur internet. Souris. Ouais. C'est bizarre. On a l'impression qu'il veut checker avec ses potes pour valider la fille, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Moi je l'avais fait pour ma mère, moi. Je voulais vous raconter. C'est pire. Au premier rendez-vous avec ma femme, je lui avais demandé est-ce qu'on peut prendre une photo. Parce que ma mère, elle avait besoin quand même de checker un peu. Mais comment elle a pu rester avec toi? Je crois qu'elle m'aime très fort ou qu'elle est inconsciente depuis 10 ans. Non, tu dois avoir un dossier sur elle. Dans les choses qui peuvent faire rater un premier rendez-vous, les garçons, écoutez bien, si vous ne parlez pas assez, ça ne va pas. Deux femmes sur toi préfèrent un homme qui parle trop que pas assez. Ah ouais? Ouais. Ouais. Le juste milieu, c'est pas mal. Hein. Oui, bon, ouais, oh. Ouais, bah, voilà. Désolé de voir un homme normal. Un homme normal, c'est un homme qui parle soit trop, soit pas assez. Et enfin, dernière chose qui peut faire rater un premier rendez-vous, ajouter immédiatement la personne sur Facebook, Instagram ou Snapchat. Ah ouais. C'est chelou quand même. Ouais, ouais. C'est vrai. Le plus chelou, c'est de dire t'as un MySpace. Allez, 7h16, on revient tout de suite sur Énergie. Les Maroon 5 arrivent et c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Il va y avoir de l'amour dans 3 minutes sur Énergie. Manu dans le 6-9. Vive le vendredi, car demain c'est samedi et moi je reste au lit. Yes! Énergie! Back by the waiting line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Manu, salut les wawas. Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Si je suis aussi jolie dans mes clips, c'est parce que c'est Manu qui me prête ses jupes et sa lingerie coquine. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est pas faux. Mais c'est notre petit secret. Ah ouais. Il est 7h20, voici le retour de Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Oui, il y a des enceintes connectées. Oui, l'intelligence artificielle fait des bons extraordinaires. Mais nous sommes là pour freiner la recherche. Voici Georges qui appelle en France quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a de l'amour. Aujourd'hui, Georges déclare sa flamme. Écoutez. Oui. Bonjour. Ceci est un message automatique. Bonjour. Je vous aime. Ah, ben c'est très bien. Vous me faites craquer. Je passe vous prendre ce soir à 19h. Ah, bah, il faut voir un autre jour. Je ne suis pas disponible ce soir, hélas. Si l'oiseau a deux ailes pour voler, moi, je n'ai qu'un cœur pour t'aimer. Ah, mais c'est gentil, ça. Voudriez-vous avoir des enfants avec moi? Ah, bah, pourquoi pas. Oui, tout est possible hein, dans la vie. Hein. Attention, je ne couche pas le premier soir. Ah, bah alors... Oh, l'appel automatique de Georges, Manu dans le 6-9. Vous avez assisté en direct au rire le plus diaboliquement étrange du monde. C'est incroyable. Georges revient lundi à la même heure et vous pouvez tous les écouter, les appels automatiques de Georges en podcast. C'est Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. On va vous prendre au téléphone dans 3 minutes, juste après les Maroon 5 avec Cardi B, pour une question très simple. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Que vous allez nous raconter et qui nous donne envie de vous rappeler lundi. Ah, génial, ouais. Faites-nous rêver. Faites-moi rêver. Juste après les Maroon 5 sur Energy, 7h22. Bon réveil. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, love on you, me, do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bienvenue sur Énergie, 7h24, on va écouter Calvin Harris, ça va arriver juste après les infos de 7h30. Et tout de suite, 0870 42 48, je vous ai demandé de nous appeler pour nous raconter quelque chose que vous allez faire ce week-end et qui va nous donner envie de vous rappeler lundi à la même heure. Ouais. On va démarrer avec Mathieu, bonjour Mathieu. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie, alors attention, Mathieu va ce week-end rencontrer pour la première fois ses beaux-parents. Oh. C'est ça. Belle maman et beau papa, un ancien militaire. Oula. Oh la vache. Ah. Beau papa est un ancien militaire. Tu l'as jamais rencontré? Jamais, jamais. Ma copine me l'a bien vendu. Elle m'a dit qu'il était encore assez strict. Aïe. Ok. Ah oui, ah oui. Ça fait longtemps que t'es avec elle? Ça fait 6 mois. Ouais, 6 mois, c'est peu. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Il va te demander de faire les pompes. Ouais. Je vois pas d'autre. Il va venir vérifier le lendemain matin si t'as bien fait ton lit au carré. Non, c'est juste important de pas arriver les mains vides. Ouais. Voilà, c'est tout. Ramène une bonne bouteille de vin et des fleurs pour sa femme et ce sera bien. Ça. Ah là, c'est pas mal. Ça, c'est mal. Cool. Et faut que t'arrives impeccable. Faut qu'il y ait rien qui dépasse. Ouais. Et tiens-toi droit aussi, tiens-toi droit. Sinon, il peut mettre un petit coup. Franchement, Mathieu, là, ça commence à devenir très compliqué. Mon conseil sera plus simple. Change de meuf. Oh, non. Sois naturel, ça va aller. Mathieu, on se rappelle lundi, tu nous racontes comment ça s'est passé avec beau pavé militaire, d'accord? J'ai encore envie, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, parce que s'il est encore armé, effectivement, faut faire gaffe. Hein. Alors, comme ça, vous voulez ma fille. On se rappelle lundi, Mathieu. Fanny, bonjour. Coucou Manu, coucou l'équipe. Alors attention, Fanny ce week-end va faire sa pendaison de crémaillère. Sauf que Fanny, c'est un petit peu différent des autres pour sa pendaison de crémaillère. Si j'ai bien compris Fanny, tu as invité tous tes amis Facebook. Exactement, pour ma pendaison de crémaillère, j'ai fait un truc de ouf. J'ai invité tous mes amis Facebook, j'en ai 174. Donc si tout le monde vient, je suis dans la merde. Mais j'avais envie. 174, c'est quoi, c'est un appartement, ouais, une maison? J'ai acheté une maison, mais c'est 140 mètres carrés, donc j'ai un peu de place. Mais on verra bien. Mais avec 174 amis que tu ne connais que par internet, qui eux-mêmes vont inviter leurs 174 amis que eux ne connaissent aussi que par internet. Ouais. Fanny, je te souhaite bonne chance. Regarde à la limite le film Projet X avant qu'ils arrivent, comme ça tu sauras comment tu vas finir ta maison. Ou tu regardes des documentaires sur les catastrophes naturelles aussi, ça marche. On se rappelle lundi à la même heure, Fanny, tu nous raconteras comment ça s'est passé. Ça marche. Gros bisous. Gros bisous. 7h27, on revient tout de suite. Calvin Harris, Promises, c'est pour vous dans 3 minutes. Manu dans le 6-9. Vas-y Manu, c'est bon. C'est le 6-9 sur Énergie. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash sur Énergie avec Coé à 17h30. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, comment ça va? Je suis sous la pluie, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es sous la pluie? Ben, parce qu'à Nice, il pleut. Attention, ouverture de l'enveloppe. Oh là là. Quoi? J'ai pas gagné. Bénédicte, tu gagnes 10 000 euros. Oh, 10 000 euros, les amis! Vous envoyez dans quelques jours. Ah, génial. Oumi, ma chérie maman a gagné 10 000 euros. T'es contente? Oui. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Coé au 7-10-12.

l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Du nord au sud, le soleil ne fait pas de jaloux aujourd'hui avec une très belle journée digne d'une fin de mois d'août. Ça brille largement malgré quelques nuages et un peu de grisaille persistante encore sur le Languedoc ce matin. 20 degrés attendus à Brest aujourd'hui, 22 à Montpellier, 24 à Chalon, Lille et Dijon, 25 pour les maxi à Beauvais et Toulon. Ce sera encore mieux pour demain avant malheureusement le retour de la pluie dimanche. Et dans l'actu ce matin, des fins de mois difficiles et chaque dépense comptée au centime près, c'est ce que vivent de plus en plus de Français selon un rapport sur la pauvreté dans le pays. Près de 5 millions de personnes vivent avec moins de 855 euros par mois. Un phénomène qui touche particulièrement les 18-25 ans où un jeune Français sur 5 vit sous le seuil de pauvreté à cause notamment de la hausse des loyers et d'une baisse du nombre de diplômés. On a frôlé la catastrophe dans le ciel hier. Deux astronautes russes et américains ont dû atterrir en urgence après le décollage de leur fusée Soyouz. Ils devaient rejoindre la station spatiale internationale mais la mission a été abandonnée au moment où les deux étages de l'appareil se sont détachés et sont entrés en collision. Les membres de l'équipage ont pu regagner le sol sain et sauf dans leur capsule. Du temps, de l'énergie, du matériel, tout ça, ça coûte cher. La recherche médicale a besoin de vous pour avancer à l'occasion du Pasteur Don qui se poursuit aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Rendez-vous sur pasteurdon.fr. Un semestre pour étudier, voyager et s'ouvrir l'esprit. Le programme d'échange Erasmus vient à la rencontre des étudiants aujourd'hui et demain à l'occasion des Erasmus Days dans de nombreux campus. Au programme des conférences, des concerts, des témoignages également pour présenter le dispositif et pourquoi pas déposer un dossier de candidature. Son avenir se décide aujourd'hui. Sans surprise, les dirigeants de Bordeaux devraient voter le rachat du club de foot par un fonds d'investissement américain. La décision sera tranchée dans la journée avant une officialisation a priori à la fin du mois. Ils vont en avoir des choses à raconter à la récré. Les petits chanteurs de The Voice Kids sont de retour ce soir sur TF1 pour une 5e saison. Face à eux, le banc des jurés s'est encore étoffé avec l'arrivée de Soprano, notamment aux côtés de Jennifer. L'occasion pour eux de retomber en enfance. Ça nous remet au début, ça nous repositionne pour retrouver les premières sensations qui nous ont fait aimer la musique. Toute cette inconscience, cette insouciance qu'ont les enfants, c'est comme une leçon à chaque fois dès que je les entends, ça me replonge dans ce que j'avais et ce que je retrouve en ce moment. Mais oui, on a monté notre groupe avec les psychiatres de la rime, on avait 15 ans, donc les petits qui étaient là, il y en avait, ils avaient 14-15 ans, donc je sais très bien comment ils sont dans leur tête. Moi, mes premiers concerts, j'ai chanté devant mon quartier, j'ai chanté devant des MJC, j'ai fait des concours aussi, on devait gagner contre d'autres groupes pour pouvoir faire d'autres concerts ailleurs. La pression, l'envie de tout donner, je comprenais tout ça. Voilà pour vos infos. Retour de Manu dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur Énergie. J'ai conscience qu'il y a des nanas qui chantent mon prénom tous les matins. Ça devient normal maintenant pour nous, mais quand même, merde, ouais, c'est ouf. C'est quand même un truc de dingue. Ouais. 7h36, on est avec vous pour démarrer la journée comme chaque jour. On est là en direct dès 6h jusqu'à 9h30. C'est Manu dans le 6-9 avec les moins du matin qui sont tous là. Il y a Isabelle. Salut. Il y a Nico. Bon week-end. Paulette est là aussi. Hi. Glandu. Hello. Attention, nous allons rentrer dans le petit train des questions juste avant d'écouter Calvin Harris. Hier, on a failli faire le petit train des questions, mais on était débordés. Ouais. Donc on n'a pas eu le temps de le faire, donc on le fait ce matin. Je vais vous poser 3 questions. Je vous les rappelle, et dès que ça fait tilt dans votre tête, que vous dites « Oh là, j'ai une putain de bonne réponse », et ben vous nous appelez. 0 870 42 48. Isabelle, dis chouchou. Chouchou. Ça y est, on t'a trouvé une utilité. Oh. Oh. Je te déteste. Oh, ça va. Première question du petit train des questions. Quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour vous? Quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour vous? 0 870 42 48. Deuxième question. Vous pouvez ajouter une seule chose dans votre maison ou votre appartement, c'est quoi? Ah ouais. Okay. Ne vous trompez pas. Une seule chose. Ah ouais. Ok. 0 870 42 48. Dernière question. Vous devez imiter à la perfection quelqu'un ou quelque chose. Si vous n'y arrivez pas, on vous coupe un bras. Oh. Ah, enfin. Ouais. Et je vous préviens. Oh non. J'ai aiguisé ma scie. Oh. C'est le petit train des questions. Ouais. Quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour vous? Vous pouvez ajouter une seule chose dans votre maison ou votre appartement et vous devez imiter à la perfection quelqu'un ou quelque chose, sinon je vous scie le bras. Alors. 0 0870 42 48. C'est une expression évidemment. Je ne vous scierai pas réellement les bras puisque vous êtes au téléphone. En revanche, dans le studio. Ah nous, oui, d'accord. 7h38, on vous prend au téléphone d'ici une petite dizaine de minutes. Juste après Calvin Harris, on joue au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots, comme chaque matin. Et aujourd'hui, on vous offre vos places pour les Energy Music Awards. Transport, hébergement, 2 places pour la cérémonie. Bonne chance à vous, c'est dans 3 minutes. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Sur Énergie, il est 7h41. Attention, les Énergie Music. Eh ben dis donc. Les Énergie Music Awards, c'est le 10 novembre. Et on vous offre maintenant vos places. 2 places pour la cérémonie, plus le transport d'où que vous veniez, plus l'hébergement. Ouais. Sur place, vous serez avec nous au Énergie Music Awards 2018. Ouais. Julie, bonjour. Bonjour les Huawei. Je t'ai pas du tout mis la pression là, on est d'accord. Non, pas du tout. On va jouer au jeu des 5 mots, c'est le meilleur jeu radio du monde. Julie, tu as envie d'aller au Energy Music Awards? Oh oui, énormément. On y sera, tu seras peut-être avec nous si on gagne maintenant au jeu des 5 mots. Et quand je dis on, c'est parce que c'est moi qui vais sortir. Oh super. Je suis pas sorti de la semaine, c'est moi qui vais sortir. Je te rappelle les règles Julie, elles sont simples. Je vais me retrouver dans le couloir dans quelques secondes. J'entendrai plus ce qui se passe à l'antenne. Isabelle va te donner 5 mots. Après chaque mot, tu lui donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je reviens. Elle fait pareil avec moi. Et dès qu'on a un mot en commun, toi et moi, ce qui signifie que... Mais qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, c'est gagné. Tu viens au NMA avec nous. Super, allez, on se synchronise et on y va. Attention Julie, nous sommes synchronisés. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais c'est quelque chose de fort. Allez, vas-y Manu. Attention, allez. C'est parti, rendez-vous dans une minute. A tout de suite. Ok Julie, t'es prête? Je suis prête. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Applaudissements. Spectacle. Corne. Corne? Oui. Taureau. Épée. Chevalier. Dernier. Dernier ? Oui. Je sais pas, perdant. Route. Voiture. Ok, Julie. Ouais. C'est bon, on fait revenir Manu. Allez. Alors, Julie. Wow. Oui. Comment ça s'est passé? Allez. Un peu dur. Oh non. Moi, je crois que ça va. On y croit, Manu. Ouais. Elle est super forte. Tu peux pas te planter, Manu. Ok. Mm-hmm. Manu, t'es prêt? C'est-à-dire que si je me plante, en fait, ça va être de ma faute. Ah ouais, 100%. C'est ça. Julie, je vais tout donner. J'espère, je croise les doigts. On joue au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots pour toi pour aller au Energy Music Awards. Applaudissements. Spectacle. Julie! Oui! Oh incroyable! Oh, c'est trop cool! Il restait 4 mots, c'est quoi? Corne! Corne, brume! Ah non, Julie avait dit taureau! Ah oui, corne de brume, corne de taureau, c'est pas la même chose. Ok? Ouais. Épée chevalier! Bravo! Oui! Julie, quoi! Alors! Okay. Ensuite! Dernier! Dernier, premier! Perdant! Perdant, ah oui, ok! Et le petit dernier, route! Oh, voiture! Oui! Ouais, hey, trois mots en commun, Julie! Oui! Julie, on se retrouve dans un peu moins d'un mois, ce sera le 10 novembre, tu viens au Energy Music Awards. Merci beaucoup! Tu gagnes 2 places et c'est pas tout. Transport, c'est gratuit. L'hébergement sur place, c'est gratuit. Energy t'offre les Energy Music Awards pour toi et la personne de ton choix. Tu sais avec qui tu vas venir? Oui, avec mon compagnon. Ah, petite déception. Désolée. Je te souhaite des bons Energy Music Awards. Merci beaucoup. Et on reste potes alors. C'est ça. D'accord. On se retrouve au Energy Music Awards, 7h45. On s'écoute Eddie Depreto et juste après, c'est le petit train des questions. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tout sens des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, Je ne prône pas mon chibre, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles, mais moi, je ne prône pas mon chibre, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. 7h48, bienvenue sur Énergie. Dans 15 minutes, on va doubler votre salaire, peut-être le vôtre, si vous vous inscrivez. Si vous ne vous inscrivez pas, on ne peut pas inventer votre numéro. Ah bah non, ouais, c'est vrai. Vous allez sur énergie.fr, manudans69.com ou sur l'appli manudans69 aussi. On va écouter Drake dans 2 minutes, mais avant ça, voici le petit train des questions. On n'a pas eu le temps de le faire hier, on le fait aujourd'hui. Ouais. Le principe est très simple, c'est un petit train, pas comme les autres, parce que dans le sous-train, il y a des questions. Je les pose, vous y répondez. Ouais. Mon Dieu, mais quelle idée! On démarre avec la première question que je vous ai posée il y a 10 minutes. Quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour vous? Isabelle. Je rêvais d'aller à la cérémonie des Césars quand j'étais petite, et mon père a fait des pieds et des mains pour réussir à avoir une invitation. Il a réussi et il m'a emmené à la cérémonie des Césars. Et là, wow. Tu t'es aperçu qu'en fait, c'était chiant. Ah bah ouais. Non, j'ai adoré. J'ai vu Michel Drucker, j'ai vu Faye Dunaway, qui j'ai vu encore plein de stars. C'était génial. Isabelle, tu en dis un peu trop sur ton âge. Ah ouais, Faye Dunaway. Bon, Michel Drucker, en même temps. Faye Dunaway. Et ben ouais, Bonnie and Clyde, la classe. Bah ouais. Jure. Oui, mais c'est. Mais ouais, mais c'est un chef-d'œuvre quand même. Manu revoit tes classiques. ok, mais pas tout de suite, s'il te plaît. On a Léa avec nous au téléphone. Bienvenue, Léa. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour toi? Alors, il y a 2 ans, en fait, j'ai eu un accident de voiture et le gendarme qui est intervenu sur les lieux, il m'a rappelé le lendemain pour savoir si j'allais bien, si tout s'était bien passé pour moi. Et du coup, j'ai trouvé ça super gentil parce que je m'y attendais pas du tout. Mais est-ce qu'à un moment, quand il t'a demandé si ça allait bien, que tu lui as dit oui, est-ce qu'il t'a dit on boit un verre? Non, il avait l'âge de mon père, donc non. Oh, tu sais, c'est pas ça qui retient un homme. Hein. On a 20 ans d'écart. Bon. Eh ben écoute, bravo. Alors attends, est-ce qu'il était moustachu? Non. C'était un faux gendarme. Merci de nous avoir appelé, Léa. On t'embrasse fort. Qu'est-ce que quelqu'un a fait de très gentil pour vous? Quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour vous? Glandu. Moi, c'est une dame que j'ai rencontrée pendant mon tour du monde. Du coup, je faisais mon tour du monde et j'arrivais à Tahiti et j'ai eu un souci avec ma carte bleue. Elle était bloquée, elle marchait plus et j'avais que 10 euros sur moi. Il me restait l'équivalent de 10 euros, quoi. Donc je me dis, bon, ben, je vais dormir limite dans la rue, quoi. Je fais du stop pour aller vers la ville, de l'aéroport vers la ville. Et là, la dame dans la voiture, je lui explique mon souci. Elle me dit, mais non, mais viens chez moi, j'ai ma famille, je vais t'héberger. Et elle m'a hébergé, nourri pendant 4 jours. Wow. Ouais, comme ça, gratuitement. Est-ce qu'elle avait une moustache? Non, il s'est rien passé, Manu. C'était un faux gendarme. Deuxième question du petit train des questions. Vous pouvez ajouter une seule chose dans votre maison ou votre appartement. C'est quoi, Paulette? Un dressing. Hein? Oh. Une pièce dédiée à mes fringues avec des spots de toutes les couleurs et tout est trié par couleur avec les chaussures. Okay. Oh, c'est vraiment un truc que vous avez dans le crâne. Ah, ouais. T'imagines une pièce où on vous embête plus, où on s'enferme et on vit des moments merveilleux sans vous. Moi je l'ai déjà, ça s'appelle les toilettes. Laetitia, bonjour. Bonjour, salut Manu, salut les bonbons. Tu peux ajouter une seule chose dans ta maison ou ton appartement, c'est quoi? Bah moi ça serait un mec, du coup, parce que ça fait 1 an et demi que je suis célibataire, donc Ok, Laetitia, pas mieux. Pas mieux. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Vous pouvez ajouter une seule chose dans votre maison, votre appartement, Nico. Un spa, quoi, un spa de place. Passer du bon temps avec ma femme devant, quoi. C'est beau les couples qui vont bien. Ça va, Laetitia, toi? Bah ouais. Désolé. Le petit train des questions. Troisième question que je vous ai posée il y a 10 minutes. Vous devez imiter à la perfection quelqu'un ou quelque chose. Sinon, je vous scie un bras. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment le faire à la perfection. Ouais. Allez, on y va. Nico. C'est très court, hein, mais c'est Jean-Pierre Foucault. Ouais. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Pas mal. Ah, le gars est là. Le gars est là. On ferme les yeux. Allez, je cache ma scie. Ouais, merci. Paulette. Un crapaud. Hein? Vas-y. Pas mal. C'est pas mal. J'ai mes deux bras. Philippe, bonjour.

Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5 990 euros. C'est une 5 portes ? Oui, 5 990 euros avec 5 portes et climatisation. Génial ! Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Mais elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 5 990 euros, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Offre sous condition de reprise incluant la prime de conversion de 2000 euros et le bonus EcoFiat 2000 euros jusqu'au 31 octobre. Détails sur fiat.fr. Portes ouvertes ce week-end. Fiat. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les soirées de Pierre qui changent. Avec Call of Duty Black Ops 4 à 51,99€. 51,99€, Pierre. Annule tout ce que t'avais prévu ce soir. C'est-à-dire rien. Et viens t'emparer du dernier Call of. Il t'attend. Vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Call of Duty Black Ops 4 à 51,99€. Et vos soirées changent. Auchan. Offre valable jusqu'à mardi. Jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Être ou ne pas être chez Orange et profiter des bons plans d'octobre. Moi, chez Orange, j'ai eu mon Huawei P20 à 379,90€. La qualité à ce prix-là, ça change tout. Et moi, chez Orange, mon Huawei P20, je l'ai eu sans forfait, sans engagement. Tout seul, quoi. T'as quand même le chargeur, j'espère. Avec Orange, profitez de la haute technologie à prix réduit avec le Huawei P20 débloqué à 379,90€ au lieu de 599,90€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 24 octobre. Détails en boutique et sur orange.fr. Toyota. Allez, on se fait un ni oui ni non. D'accord. Il est stylé ton nouveau SUV. C'est un Toyota CHR hybride ? Tout à fait. C'est bien l'hybride. En plus, c'est sans conditions. Du coup, t'as dit oui à l'hybride ? Oui. Perdu ! Oui, enfin pas vraiment, j'ai gagné 3 500€. En octobre, dites oui à l'hybride et profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 3 500€ sans condition sur le SUV Toyota CHR hybride 9. Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. L'instant d'Arty. Gabriel, tu peux dire à ta sœur de descendre dîner ? Je peux pas l'appeler, j'ai pas de portable. Bah, je te rappelle qu'elle est dans sa chambre juste à côté. Oui, mais j'ai pas de portable. Les Darty Days sont de retour. Jusqu'au 28 octobre, le smartphone Samsung S7 est à 279€ au lieu de 549, dont 70€ remboursés par Samsung. Voir conditions en magasin et sur darty.com. Pain aux céréales, cherche le fromage si savoureux qu'il n'en restera pas une miette. Justement chez Grand Frais, la tomme de Saint-Ours est à 11,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 13 octobre, 29% de matière grasse sur produits finis affinés en Haute-Savoie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous savez ce qui est vraiment sensationnel ? C'est que la Halle s'engage à vous offrir jusqu'à moins 50% sur une large sélection de vêtements. Pour vous et toute votre famille. Oui, du 3 au 15 octobre, moins 50% sur une large sélection de vêtements à la Halle et sur lahalle.com. Ça, c'est sensationnel. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. En octobre chez Ford, le compte à rebours est enclenché. Le monde n'a jamais connu ça. Serez-vous au bon endroit, au bon moment ? En octobre chez Ford, profitez des Ford Days avec la Ford Fiesta avec système audio sync compatible Waze à seulement 109€ par mois. Les Ford Days, c'est chez Ford. Ouverture dimanche 14 selon autorisation. LLD 48 mois, 40 000 km pour une Fiesta Trend 1 litre, 70 chevaux, premier loyer de 1 490€. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 31 octobre sous condition de reprise d'un véhicule éligible. Si acceptation par Bremen Elise, voir Ford.fr. Bonjour Louise, je voulais savoir si je pouvais t'emprunter tes super chaises Atmosfera pour ce week-end. Mais je te les rends vite, hein, d'ici un an ou deux. Avec Atmosfera, créateur d'intérieur, libérez votre pouvoir déco. 1 plus 1 gratuit, ça fait au moins deux bonnes raisons de venir profiter de l'anniversaire géant. Jusqu'au dimanche 14 octobre, bénéficiez des 1 plus 1 gratuits sur le champagne premier cru brut Monopole Heidsieck. Pour l'achat d'une bouteille de 75 centilitres au prix de 33,90€, la deuxième bouteille est gratuite. Oui, les deux bouteilles à seulement 33,90€ au lieu de 67,80€. Une promo de prestige. Les prix bas, c'est... Géant ! Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. La bonne idée débute pour un sommeil réparateur. On s'allonge, on bouge plus. Et on écoute la dame. En ce moment, chez But, moins 50% sur l'oreiller à mémoire de forme Ergosoft Dreamea qui passe de 19,99€ à 9,99€ seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h02. Ça va. Ça va, un petit peu de retard, pas non plus. Ça va, hein, oh. Et resserre-nous la même chose. Dans 3 minutes, juste après les infos, on va doubler votre salaire. On va écouter Jérémy Frérot. Et avant 8h30, je pense qu'on aura le temps d'écouter. Le mec est un génie. Ouais. Il y a, c'est quoi ça? Bah, ça a quasiment 20 ans Ozone, quoi. Ah, ouais. C'est pas loin de ça. Hein. Ozone avait sorti un titre. Mm. C'était en 2004, apparemment. Ouais, je suis rapide pour taper sur Wikipédia. Et ben le mec, il ressort 14 ans après la même chanson, juste un peu remixée. Il l'appelle pas Drago Salinte, mais Numa Numa, parce que c'est le titre, le truc qu'on entend. Ouais. Ouais. Et bim, et ça refait un hit. Ouais, c'est fort, ça fort. Le mec est un génie. 8h03, on va l'écouter. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Une météo encore très estivale aujourd'hui avec le soleil qui s'impose largement. Quelques nuages de passage dans toutes les régions, mais globalement ce sont les rayons qui vont dominer jusqu'à ce soir. Un peu de douceur pour accompagner tout ça. 21 degrés attendus à Quimper. Aujourd'hui on aura 22 à 7, 24 pour Arras, 25 à Toulouse. Les maxi grimperont jusqu'à 28 à Auxerre. Et dans l'actu ce matin, on pourrait presque s'y perdre. Le nom des carburants change aujourd'hui dans toutes les stations d'essence d'Europe. Des appellations simplifiées et harmonisées qui vont demander quand même un peu de temps pour s'y habituer. En résumé, le samplon 95 et 98 s'appelle désormais E5 avec un logo en forme de cercle. Et si vous roulez au diesel, il faudra repérer le sigle B7 avec un carré autour. Pas de panique en tout cas, l'ancien et le nouveau nom seront affichés simultanément. Dans le Var, on déblaye, on nettoie et on ne compte plus les dégâts après les intempéries qui ont frappé le département dans la nuit de mercredi à jeudi. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en quelques minutes et plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit. Hier, deux personnes ont été retrouvées noyées dans la voiture qui les emportait jusqu'à la mer. On espère passer la barre des 2 millions d'euros. La mobilisation continue jusqu'à dimanche pour le Pasteur Don. Les labos et les patients comptent sur vous pour financer la recherche médicale contre le sida, Alzheimer ou contre le cancer. Pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur pasteurdon.fr ou par téléphone au 36 20. Beaucoup de fumée le font sans même y penser. Les mégots jetés dans la rue sont dans le collimateur du ministère de l'écologie avec une campagne de sensibilisation. La vidéo lancée sur Twitter hier compile plusieurs scènes de films où les personnages jettent ou écrasent leurs cigarettes sur le trottoir. On y découvre aussi des chiffres forts. Un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et met plus de 12 ans à se dégrader. Deux étoiles qui n'ont pas beaucoup brillé malheureusement sur la pelouse de Guingamp hier. L'équipe de France a concédé le match nul de partout en amical face à l'Islande. Les Bleus ont même été menés 2 à 0 jusqu'à l'entrée en jeu de Kylian Mbappé qui a provoqué le premier but et transformé un pénalty. L'attaquant a sûrement été boosté par sa photo en une de l'hebdomadaire américain Time Magazine. Prochain rendez-vous en tout cas pour les Bleus, ce sera mardi avec un match face à l'Allemagne comptant pour la Ligue des Nations. 7 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album, les Black Eyed Peas sont officiellement de retour aujourd'hui avec Masters of the Sun, un projet sous forme d'album mais aussi de BD à la sauce comics. Côté musique, le groupe fête ses 20 ans cette année. Il est revenu à son trio d'origine après le départ de Fergie. La chanteuse est remplacée sur plusieurs titres par la Philippine Jessica Reynoso. Les Black Eyed Peas en concert dans toute la France notamment et dans un mois tout pile au Zénith de Paris. Voilà pour vos infos. Retour de Manu dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur Énergie. Il est possible que dans les secondes qui arrivent, j'éternue. Ah, vas-y. Bah vas-y, c'est ouais. Le problème de l'éternuement, c'est un truc. Allez. C'est un peu comme quand tu fais l'amour, ça arrive de façon surprenante. Oula. T'en dis trop. Pardon, j'enchaîne. Ouais, faut que je fasse attention quand même. Hein. Ouais. J'ai une réputation. 8h06, on va écouter Jérémy Frérot dans 2 minutes. Mais avant ça, on est très en retard. Vite, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire sur énergie.fr, l'application Manu dans le 6-9 aussi, ça marche. Vincent habite Beaulieu-sous-la-Roche et il l'a fait. Il a tenté, il a pris sa chance. Ouais. Il a eu raison. Vincent a 22 ans, il touche 1161 euros chaque mois. On t'appelle maintenant Vincent pour te doubler ton salaire. Beaulieu-sous-la-Roche en Vendée, lève-toi. Oui. Oui. Bonjour, c'est Vincent ? Oui. Vincent de Beaulieu-sous-la-Roche en Vendée ? C'est bien ça. Ok. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Absolument. Ah ouais. C'est gagné, Vincent. Ça y est, le salaire, il est doublé. Ouais. 1161 euros x 2, ça fait 2322 euros pour toi. Oh là là là là, merci Manu. C'est pas mal, hein, ça fait du bien, ça. Hein. Ah, franchement, on ne peut pas rêver mieux. 2322 euros pour toi, Vincent. Tu es moniteur de karting. Exactement. Du karting genre professionnel ou du karting quand nous on se dit tiens on va aller faire une session de kart vendredi soir? Plutôt le vendredi soir. Alors tu sais quoi, à chaque fois que je fais du kart, deux choses. D'abord le lendemain j'ai le dos défoncé. Ouais. Ah ouais. Alors ça, ouais. Voilà. Et la deuxième question c'est, est-ce que dans les virages faut déraper ou pas? Ah. Alors moins on dérape plus on va vite. Ah. Ah ouais. Ok. Ah, bon oui. Bah fin de ma théorie alors. Ah. Ouais c'est vrai. Ok d'accord, et c'est normal que j'ai mal au dos à chaque fois après? Si t'es pas assez épais, ouais, faut demander une petite mousse au moniteur, s'il est gentil, t'en donneras une. Ah mais c'est la honte. Ah bah oui, ah ouais, c'est comme peu, si ouais. Tu demandes un bottin parce que t'es trop bas quoi. Non je peux pas demander, je peux pas demander, je peux pas demander une mousse quoi, je suis un bonhomme. Si, ah non, pas de mousse pour moi, non. Donne-moi un parpaing. C'est masculine. Paulette, tu dis qu'on va vite, mais ça peut monter jusqu'à combien de kilomètres heure les petits boulets? Alors attention, c'est une question de Paulette qui travaille pour le magazine Turbo. Combien de kilomètres heure un kart, Vincent? Ça dépend des pistes. Chez nous, on peut prendre jusqu'à 80-90 km heure en bowling. C'est dangereux alors. Oh la vache. Ah ouais. Bah c'est dangereux. Moi j'ai peur. C'est fait pour, hein. Ah ouais. C'est prévu pour, ouais, voilà. Et Vincent, est-ce que on, comme à Mario Kart, on peut pousser un peu les autres, leur mettre des petits coups avec le kart ou c'est interdit? Si tu viens, je travaille, je fais ça, on va pas être copains. Ah ouais. Donc j'imagine que balancer les bananes non plus. Alors après, on en rigole souvent, mais c'est vrai que c'est pas le top quand c'est d'accord. Dedans. Ah ouais. Pas le droit de lancer pareil des carapaces de tortue. Non. Est-ce que quand on se lève, on touche des pièces de monnaie? Non plus. Non. Okay. C'est vraiment, vous ne faites rien comme Mario Kart, hein, vraiment, je suis déçu. On lancera le concept. Vincent, tu sais quoi, ce serait très drôle de faire ça. Un Mario Kart en vrai sur un karting. Ouais. On est tous je déguisés penser, en Yoshi et tout ça. Ouais. Bon, pas sympa pour les tortues du coup. Ouais. Désolé, mais j'aime bien les animaux quoi. C'est con. Effectivement, ne lancez pas des tortues sur les gens. Merci de nous avoir écoutés. Vincent, on te double ton salaire, 2322 euros. Ça arrive très vite pour toi. Merci mille fois. 8h10, vous aussi ça peut vous arriver. Vous aussi, oui, il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com. Jérémy Frérot tout de suite sur Energie. Juste après, on va se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Ah, ça s'appelle oui. Les cocons du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables dans 3 minutes. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes. Au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel d'une note passée. Sur cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. La belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir. Ça se voit qu'il connaît pas les paroles là. Quand même. Il est 8h13, on va écouter Dan Balan, c'est Numa Numa, ça vous dit quelque chose? Bah oui. Ah oui. Wouhou. C'est Ozone, et c'est un des deux mecs d'Ozone qui a fait une reprise de son propre titre. Ouais. C'est-à-dire que là, ça y est, la boucle est bouclée. Hein, 8h13, avant de l'écouter, voici des gens improbables qui font des choses improbables, ça s'appelle les concours du jour. Ouais. Juste Manu, t'as un petit bout de banane là au coin de la lèvre. C'est vrai. Moi j'aurais aimé qu'on me le dise, donc je préfère te le dire. Ah, ouais. J'aurais bien voulu que tu me le dises, mais t'es pas obligé de le dire à l'antenne. Pardon, désolé. Par exemple, t'aurais pu me faire passer un petit mot en me disant t'as un bout de banane. Ou alors discrètement dans le couloir me dire Manu, t'as un petit bout de banane. Pardon, ça me déconcentrait. Oui, y'a pas de problème. Y a pas de problème. J'ai bien un mot qui me vient à l'esprit pour te caractériser là. C'est lequel? Mais il est vulgaire. Ok. Voici les concours du jour. Le premier, vous venez de l'écouter. Des gens improbables qui font des choses improbables. Hier, ça s'est passé à l'aéroport de Roissy. La douane a fait une saisie record. Une femme s'est fait arrêter avec 600 cartouches de cigarettes non déclarées. Wow. Ça fait 116 kilos de tabac pour un montant total de 46 400 euros. Wow. Comment elle s'est fait attraper? Écoutez bien. En fait, elle se baladait dans l'aéroport. Seul, avec 8 valises. La douane a trouvé ça étrange. Ils ont demandé à voir l'intérieur des valises. Bingo, tabac de contrebande. Elle a tenté le plus c'est gros, plus ça passe quoi. Ouais. Voilà. Mais non. Après, je félicite la douane. Ah bon? Oui, oui. Parce que honnêtement, une femme seule avec 8 valises, moi, de souvenirs que j'ai avec mon ex, ça m'aurait pas choqué. Au Pérou, un homme va sur Google Maps pour voir par curiosité son quartier. Un truc qu'on fait tous, on se dit tiens, je vais regarder autour de chez moi sur Google Maps, c'est rigolo. Il fait ça et là il tombe sur une photo où il y a une femme sur un banc avec un homme allongé. Il augmente un peu, il zoome et il s'aperçoit, véridique, que cette femme sur le banc avec un homme allongé, la tête sur ses genoux, c'est sa femme et donc son amant. Oh non. Incroyable. Et là, elle peut pas lui dire, c'est parce que tu crois. Ah non, elle peut pas lui dire ça. Le mec a demandé le divorce, donc vraiment, il peut pas. Dernier concours du jour aux États-Unis, un homme doit porter un bracelet électronique 24 heures sur 24. Sauf que lui, il a pas envie, il décide de l'enlever. Ouais. On n'a pas le droit, évidemment. Bah ouais. Et il a une technique qui consiste à utiliser un tournevis avec un couteau à beurre. Il est tellement fier de sa technique qu'il décide de faire profiter de son astuce tout le monde. Comment? En faisant un tuto sur YouTube. Oh non. Mais non. Sauf que quand tu fais un tuto sur YouTube, tout le monde le voit. C'est dingue. Entre autres, la police. Ouais. Et le mec a été envoyé en prison. Voilà. Vous vous dites que vous avez des idées de merde parfois. Non. Non, il y a toujours pire que vous. 8h16, les concours du jour, vous les retrouvez aussi en podcast et sur Manu dans le 69.com. Dan Balan, Numa Numa, ça arrive pour vous dans 3 minutes sur Énergie, il est 8h16. Manu dans le 6-9. Énergie, coco et go. Music only. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't.

réveil sur Énergie, il est 8h22, le week-end arrive. Qu'est-ce que vous attendez de faire ce week-end? Quel va être votre moment ce week-end? 0 870 42 48. On a Blanche avec nous, bonjour Blanche. Ouais, salut Manu, salut tout le monde. Salut, salut. Blanche comme Blanche dans Fort Boyard. Ouais, c'est ça. Je suis aussi jolie. Ah bah oui, bah ah. C'est, bah, c'est, Blanche, c'est Delphine Vespizer, ouais, c'est une ça. Ancienne Miss France. Donc, je veux t'épouser. Mais c'est pas pour ça que tu m'appelles. Non. Blanche, tu m'appelles non. Parce que tu veux nous parler du moment que tu vas vivre ce week-end. C'est quoi? Ouais, alors moi en fait, samedi après-midi, je vais commencer des stages en fait pour apprendre à nager. Car je pars bientôt en fait en vacances à La Réunion et du coup j'ai 34 ans, je sais pas nager et j'appréhende en fait. Ouais, j'appréhende, j'espère que je vais réussir quoi. Oh, alors, ouais. franchement, tu vas réussir parce que quand même, ouais. Globalement, tous les gens qui ont appris à nager ont réussi. Hein. Bah oui, oui. Ouais, voilà, je peux pas te dire mieux que ça. Hein. Ouais. Ouais, mais j'ai toujours eu en fait cette petite peur de l'eau. C'est pas une phobie, mais une peur, voilà. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai les pieds dans l'eau. Bah Blanche, si t'as peur de l'eau, te pompe la tête, tu commences à t'entraîner sur le sable. Tu fais les mouvements sur le sable. Et tu sais quoi? Non, mais tout naturellement, les gens vont te prendre pour une tortue, ils vont te remettre à l'eau. C'est mon conseil du jour. Merci, Manu. Super, merci. Je t'en prie, on est là pour ça. On t'embrasse, Blanche. Passe un beau week-end et puis belles vacances à La Réunion. Ah ouais. Quel va être votre moment du week-end, Isabelle? Moi, je retourne voir mon coach sportif après 3 semaines de rien du tout. Parce qu'en fait, je m'étais fait très, très, très mal au genou en montant sur Isabelle, une marche. Isabelle. Le coup de je me suis fait mal au genou, j'y vais pas pendant 3 semaines, ça ne marche pas. Ouais. Donc, comment ça? Tu dis, comme tout le monde, que tu t'es inscrite, tu t'es emballée, que ça te gonfle un peu de le faire et que là, tu t'es dit, non, quand même, j'y retourne. Manu, je te promets que c'est vrai, je suis montée sur une marche et je me suis fait mal au genou. 3 semaines de bobo. 3 semaines. Mais là, je reviens Isabelle, en force. Isabelle. Ouais. On l'a tous fait. Ouais. Mais Manu. Non, mais c'est pas grave. On ne te juge pas, Isabelle. On ne juge personne dans cette émission. Ouais. Nous l'avons tous fait. Et moi, j'ai hâte d'être lundi pour qu'elle nous dise, bon, j'ai pas pu aller voir mon coach parce que. Et qu'elle nous sorte de nouvelles excuses. Vous croyez pas en moi, c'est pas bien. Ouais. Alors, vraiment, alors là, c'est pas bien de dire ça. Ouais. Mais c'est vrai, on croit pas en toi. Non, mais on est tous égaux avec les salles de sport. Ouais. Okay. On est hyper motivés au début. Ouais. On trouve ça génial. Mmh. On raconte à tout le monde qu'on vient de s'inscrire à la salle de sport. Ouais. Et après, on fait comme toi, on se dégonfle. Ouais, mais surtout que je suis sûr que ton coach, lui, il le sait que tu viendras pas. Lui, il se barre en week-end, ça se trouve. Ah oui, il sait que tu vas annuler. Hein. Il m'attend. T'inquiète. Non, mais tu sais quoi, ton coach, c'est comme les dentistes. Hein. Ils sont pas là quand on y est pas. Hein. Marlène, bonjour. Bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce que tu attends de faire ce week-end? Quel va être ton moment du week-end? Alors moi, mon moment du week-end, c'est quand je vais me mettre dans mon canapé. Je vais me faire un petit marathon Casa de Papel, saison 1 et 2. Popcorn, petite couverture, j'ai jamais vu et j'ai vraiment hâte. Ah ouais. T'as jamais vu la Casa de Papel? Jamais. Oh là là, parce que là, ça commence à faire un peu de temps quand même. Ouais. C'est le genre de truc qui donne tellement envie de spoiler. Là. Ouais. Quand t'as quelqu'un qui dit j'ai pas vu une série que tout le monde a vue. Ah non, on va pas te raconter la fin quoi. Bah non. Non, surtout pas. Oh, non. Attends, t'as prévu de faire ça tout ce week-end chez toi, de regarder la Casa de Papel à fond. On est d'accord? Oui, complet. Ah. Est-ce que je peux te raconter la fin? Non, Manu. Ok. Est-ce que pour une PS4 Pro, je peux te raconter la fin? Pardon, mais tu plaisantes là. Une PS4 Pro, et tu m'autorises à te raconter la fin. C'est génial, oh, là, ouais, il faut la prendre. Est-ce que t'es prête à ça? Oh, waouh. Sachant que si on te raconte la fin de la Casa de Papel, franchement, ça sert plus à rien de la regarder. Ouais. Ah, ouais. Ça sert plus à rien. Oh là là. Le dilemme. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Tu as le droit de me dire oui ou non après. Si tu me dis non, je te raconte pas. Si tu me dis oui, je te raconte. Et la PS4 Pro est pour toi. D'accord. Allez, vas-y. 2, 3. Raconte, tant pis. Ah ouais! Trop bon ça! Ok, alors si vous n'avez pas regardé la Casa de Papel. Baissez le son de la radio pendant quelques secondes. Ouais. Je vais raconter la fin de la Casa de Papel à Marlène. Ouais. Ok. Oh là là. Marlène, donc ce sont des gens qui font un hold-up, je pense que tu es au courant de ça. Ils se donnent tous des noms pour rester anonymes, en fait, les brigands. Mm. Ils se donnent des noms de villes. Et à la fin, c'est vrai qu'on s'attache pas mal au personnage de Berlin. Ah oui, ouais. Mais il meurt à la fin. Ouais, c'est horrible. Ouais. Ah ouais. Oui, mais hey, Marlène, tu le sais, mais t'as une PS4 Pro. Une PS4 Pro, merci Manu. Elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. C'est génial. Le concept est révolutionnaire. Ah ouais. Un cadeau et je te fais du mal. C'est bizarre. Marlène. Et en plus, tu fais du mal et je dis merci. Netflix va faire faillite à cause de toi. Hein, Manu. Non, parce que je peux pas regarder toutes les séries. Ouais. Okay. Marlène, on t'embrasse fort. On te souhaite un bon week-end. Ah, merci beaucoup, Manu. Bisous à tout le monde. Gros bisous. Manu dans le 6-9. Il répondait au nom de Manu. De 6h à 9h tous les matins. 6h, 9h30 tous les matins sur Énergie. On revient dans deux minutes. Leurs destins sont entre vos mains. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Les Energy Music Awards avec Refix.fr. Vivez l'événement en devenant le meilleur fan. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Forum privé présente un voyage à Bali, une robe de créateur, des escarpins jolis, une crème tout en douceur. Appli showroom privé, pourquoi donc se priver? Les grandes marques jusqu'à moins 70%, payables en 3 ou 4 fois avec Honey, c'est sur l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Financement payant par carte bancaire valable de 40 à 4 000 euros, apport obligatoire et frais maximum de 10 ou 20 euros. Sous réserve d'acceptation par Honey Bank. Délai légal de rétractation de 14 jours. Il n'y a pas à hésiter. Pour les derniers jours du mois Carrefour, il y a 80% d'économies sur plein de produits, comme sur le gel douche Petit Marseillais. Non mais 80% d'économies, c'est génial! Résultat des courses, ça sent bon pour ma peau et mon budget. Le mois Carrefour, c'est bientôt terminé dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Jusqu'au 15 octobre, profitez de 80% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur plein de produits. Carrefour. Différentes variétés, 2 fois 650 ml, modalité et liste des produits sur carrefour.fr. Toyota. Allez, on se fait un ni oui ni non. D'accord. Il est spacieux, ton RAV4 hybride. Je trouve aussi. C'est bien l'hybride. En plus, c'est sans condition. Du coup, t'as dit oui à l'hybride. Oui. Perdu. Pas vraiment, j'ai gagné 5000 euros. En octobre, dites oui à l'hybride. Et profitez de 4000 euros de prime à l'hybride Toyota et de 1000 euros de remise exceptionnelle sur RAV4 hybride 9. Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les courses d'Anaïs qui changent avec le nouveau programme de fidélité Auchan. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, Auchan en fait moins pour toi. Moins 10% sur la parapharmacie, les produits bio Auchan et les aliments bébés crédités sur ton compte Waouh. Moins 5% sur une sélection de produits alimentaires et animaleries Auchan. Et même jusqu'à moins 50% sur les produits signalés. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire modalité des offres et d'obtention de la carte en magasin et sur Auchan.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie et Music Only. Être ou ne pas être chez Orange et profiter des bons plans d'octobre. Moi, chez Orange, j'ai eu mon Huawei P20 à 379,90€. La qualité à ce prix-là, ça change tout. Et moi, chez Orange, mon Huawei P20, je l'ai eu sans forfait, sans engagement, tout seul, quoi. T'as quand même le chargeur, j'espère. Avec Orange, profitez de la haute technologie à prix réduit avec le Huawei P20 débloqué à 379,90€ au lieu de 599,90€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 24 octobre. Détails en boutique et sur orange.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Le joueur s'avance et prépare son lancer. Il attrape un grain, l'envoie en l'air et en plein dans la bouche. Mais quel champion! Chérie, quand t'auras fini, tu amèneras le raisin à table? Dès aujourd'hui, le raisin blanc Italia est à 1,29€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Italie, catégorie 1. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Les radiateurs électriques connectés, c'est ce qu'il y a de mieux pour gérer sa consommation? Dommage, je viens de changer les miens. On vous répond, pas la peine de tout changer. Avec les récepteurs connectés Avitsen à 37,90€ l'unité, vos radiateurs deviennent pilotables. Une fois reliés à la box Enki, vous pourrez contrôler votre chauffage en temps réel directement via l'application. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Pendant l'anniversaire géant, les bons plans font un véritable effet bœuf sur vos économies. Jusqu'au samedi 13 octobre, dans votre géant, la viande bovine côte à griller est au prix très tendre de 9,95€ le kilo. Oui, 9,95€ seulement le kilo de viande bovine côte à griller. Tous les amateurs de bonne viande donnent rendez-vous aux amateurs de bonnes affaires. Les prix bas, c'est...

La réponse, je vous la donne dans 3 minutes, juste après Kygo et Imagine Dragons. Avant ça, quelques histoires, quelques infos aujourd'hui. On peut revenir sur l'histoire d'IKEA hier. Est-ce que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé chez IKEA? Ah oui. Oui, Glandu. Non, moi j'ai pas suivi. Désolée, je faisais les devoirs. L'excuse. C'est quoi? J'ai l'impression parfois que la vie d'Isabelle se résume à faire les devoirs avec ses enfants. J'ose pas tout vous dire tellement c'est le cas. Alors le dis pas. Alors écoute bien, je t'apprends. Oui, d'accord. C'est l'histoire IKEA dont tout le monde a parlé hier. À Strasbourg, un père et sa fille passent aux caisses automatiques. Ils oublient de scanner les couvercles des boîtes de Tupperware. Ouais. Parce que les boîtes de Tupperware, elles possèdent leur propre code-barre. Les couvercles. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Il y a la boîte de Tupperware et en plus, il y a le couvercle. C'est deux codes-barres différents. Ouais. Ils oublient. Ils sont alors interceptés par le vigile. Mm-hmm. Le vigile, ils auraient pu simplement leur dire « Madame, faut scanner le truc ». Non, ouais. Il prévient le directeur du magasin. Ouais. Il peut se dire « Je vais vous expliquer comment on scanne ». Non. Il prévient la police, qui vient, qui aurait pu leur expliquer comment on scanne. Non, ils les mettent en garde à vue pendant 3 heures. C'est pas possible, je te crois pas. Pour un de couvercle de Tupperware qu'ils avaient oublié de scanner. Ouais. Toi, t'as bien fait de faire les devoirs à tes enfants. Là, oui. Ça la fout mal quand même quand t'es à côté d'un mec qui a braqué une banque, quoi. Ouais. Dire pourquoi t'es là. Non, regarde, mais pourquoi couvercle de Tupperware. Ouais. Alors que si ça se trouve, tout le monde le fait. Ah, toi aussi, putain. Allez, 8h38. Kygo Imagine Dragon sur LRG, juste après, c'est les sondages du matin. Vous avez compris, on va écouter Aya Nakamura dans 2 minutes. Ouais. Très bien. Mais avant ça, voici les sondages du matin, comme chaque jour pour vous. Il est 8h42. C'est parti. En moyenne, on en mangera une demi-tonne dans toute notre vie. On mangera une demi-tonne de quoi, d'après vous, Isabelle? De pain. De pain? Ouais. Ce n'est pas ça. Non. De beurre? Du beurre, c'est pas ça. De fromage. Non plus. Sucré ou salé? C'est sucré. Bah du sucre. Oh merde. Mais ça se tient. Oh non. Non, il aurait dit bonne réponse. Non, ça, ça aurait été. Non, c'est logique. On c'est peut logique. Revenir en arrière sinon. Non. C'est... Non, alors trop tard. En moyenne, on en mangera une demi-tonne dans toute notre vie, c'est du chocolat. Ah ouais, ouais. Ah bah oui. Ah, c'est bon. 500 kilos de chocolat dans toute notre vie. Mais j'aime pas le chocolat. D'accord. Alors vraiment, Paulette, n'hésite pas hein, quand tu veux nous dire des trucs totalement inintéressants. Je vous fais passer une info, tu vois, comme, si je, comme ça, si je viens dîner chez vous, vous savez que le gâteau au chocolat, non, je préfère un framboisier par exemple. Ok, d'accord. Donc elle continue la meuf. Ouais. C'est chiant. On pense à ça 23 minutes par jour. C'est une moyenne. Il y en a qui y pensent plus, il y en a qui y pensent moins. D'après vous, de quoi il s'agit, Nico? À faire du sport. C'est pas à faire du sport. on y pense, mais on n'y va pas. Ah, c'est non, pas non. Ça. Glandu? À acheter des nouveaux trucs. Non, c'est pas ça. Paulette? Dormir. Dormir. Et toi, tu veux lui dire un truc sur le dodo par rapport à toi? Par rapport au chocolat? J'adore dormir. Okay, ça marche. Chocolat, j'aime pas. Tu penses à quelque chose ou à quelqu'un? À quelque chose. Ah, c'est à quelque chose, Isabelle? Peut-être qu'on va faire ce week-end. Non. À manger? Eh ben, c'est quasiment ça. Ouais. Parce que, en fait, c'est la bouffe. La nourriture. Ah ouais, on passe 23 minutes par jour à penser à la nourriture. Ah mais moi beaucoup plus hein. Entre midi et midi 30, je pense qu'à ça quoi. La cantine, est-ce qu'il va y avoir du monde, qu'est-ce que je vais manger, je regarde le menu parce qu'il nous envoie le menu par mail, donc je me renseigne. Ah ouais, beaucoup plus que 23. Ouais. Des fois, je me dis que Glandu et Paulette, ce serait intéressant de les mettre en couple. Parce que franchement, ça ferait des discussions. Ouais. Alors moi, je vais te dire, je n'aime pas le chocolat. Oh, mais c'est amusant que tu me parles de ça, parce que moi, tous les jours, entre midi et midi 30, hein, je pense à la cantine. Hein, et je trouve le menu et je le cherche. Oui, enfin, tu recherches le menu, j'espère qu'il n'y a pas le chocolat. Parce que moi, le chocolat, vraiment, je déteste ça. 8h44, on va s'écouter Aya Nakamura. Et pendant Aya Nakamura, on va se faire un petit débrief. Ouais. Oulala. Ah ouais. Wow. Nico, il faut qu'il y en ait un qui tienne la route quand même. Vous nous envoyez beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Il y a aussi les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Nico du web, il lit tout, il écoute tout, il le partage avec nous, ce sera dans 3 minutes. Je suis désolé, mais il y a quelqu'un de l'équipe qui va, alors c'est le terme technique, hein, se faire défoncer. Ah voilà. Bon voilà. Oh la vache. Oh, bah oh, un de nous. Ouais. Un indice? Paulette. C'est dégueulasse. Ah, c'est pas moi. De toute façon, c'est toujours moi. C'est pas moi. En plus, elle aime pas le chocolat. 8h45. Merci d'être là parce que moi, franchement, même moi, j'aurais zappé. Aya Nakamura sur NRJ. Et juste après, on écoute vos messages que vous nous envoyez. Elle a papi, mais qu'est-ce que ça? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby. Salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Yeah. Oh, dja dja, tu pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Yeah. Oh, dja dja, tu pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, Katsa. On Katsa na baby. Oh, Jaja. Oh, Jaja. Oh, Jaja. 8h47, c'est Manu dans le 6-9 avec vous. Comme chaque matin, on démarre, on crée cette journée ensemble. Il y a le week-end qui arrive et on va s'écouter Labrinth et Sia dans deux minutes. Ouais. Avant ça. Nico lit tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux parce qu'il n'est pas débordé de travail, il faut être honnête. Pas des masses. Et il écoute tous les messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Hier, ça nous a fait du bien, on a tous poussé nos coups de gueule du quotidien. Ah oui. Je vous rappelle que moi j'étais révolté à cause des sachets de farine qui fuient tout le temps. Ah oui, t'étais très en colère contre la farine au supermarché qui fuit. Voilà, je suis désolé. C'est pas grave, ça t'a fait du bien. Sur Facebook, il y a Fred qui dit la première feuille du papier toilette qui reste collée au rouleau, on finit toujours par le déchirer n'importe comment. Ah. Mais oui, il a pas tort. Ah ouais. Et ça marche aussi avec l'essuie-tout. Hein, tu n'essuies jamais rien avec la première feuille. Et oui. Ouais. Jamais. Absolument, Isabelle. Hein, quand on y pense, le nombre de premières choses qui se gâchent dans la vie. C'est incroyable. C'est dingue, ouais. Tu te moques pas de moi là par hasard? Alors si, mais depuis 2 mois. Un autre coup de gueule du quotidien sur Twitter, il y a Louise qui dit l'ampoule économique qui met 1000 ans à s'allumer. Alors, non, mais faut pas être pressé quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a certaines ampoules économiques, je sais plus, il y a les LED qui s'allument tout de suite, ouais. Et les autres. Ouais. Et les autres, elles mettent mais un temps à s'allumer. Je trouve ça a un petit charme. Tu sais, ça commence en tamisé, puis ça monte doucement. Oui, mais en fait, t'es déjà allé te coucher quand elle est vraiment allumée. Donc. Quand tu vas aller aux toilettes, c'est compliqué. Bah, j'attends. Hein. Il y a un autre message aussi de Charles sur Facebook qui dit le fil de l'aspirateur qui ne se rembobine jamais comme il faut. Mmh. Ça, c'est chiant. Oui. C'est au petit bonheur la chance. Ah, ah oui. Le fil de l'aspirateur, c'est pour ça que je veux pas toucher à ça, moi. Bah, voyons. Et on a reçu un autre coup de gueule aussi du quotidien sur notre application Mayon 6-9 par message vocal. Là, écoutez. Coup de gueule du quotidien. Les nouveaux bouchons de cristalline qui s'ouvrent tout le temps, partout, même dans le sac, et qui inondent toutes tes affaires. Oui, c'est vrai qu'ils ont changé leur bouchon. C'est plus un bouchon qui se visse, maintenant c'est tu l'appuies, tu dois appuyer dessus. Ah ouais, si t'appuies mal, c'est le drame. Parce que moi j'avais fait le test, je l'avais mis par terre et j'avais tapé avec mon pied dessus. Oula. Et ça s'ouvrait pas, hein, c'était assez. Les tests de glandu. Oui, j'ai rien. Mes journées sont pas ultra remplies. Là, vraiment, elles sont même tristes. Hein, bon, vous le savez, Paulette. Elle est systématiquement en retard. Non, voilà. Qui a dit ça? C'est la définition de Paulette, hein, je crois. Mais tu sais quoi, je vais dire un truc, Paulette. C'est vrai que t'es systématiquement en retard. Oui. Mais pas pour venir faire l'émission. Bah tu vois, bon, j'ai pas envie de perdre mon taf aussi. Hein. D'accord, c'est ça. Ok, ça c'est bon, il se peut, hein, je dis bien, il se peut que ça énerve des gens. Salut les Wawins. Alors petit message à Paulette, c'est juste inadmissible que tu arrives tout le temps en retard. Tu es totalement irrespectueuse. Je te garantis que si on était amis, eh ben il y a longtemps que tu ferais plus partie de ma liste d'invités, ni quoi que ce soit. Tu manques de respect total aux gens que tu fréquentes. Alors Paulette, achète-toi une montre, débrouille-toi comme tu veux, mais arrive à l'heure. Alors en tout cas, je remercie mon frère d'avoir laissé le message. C'est pas fini, hein. Non, il a laissé un deuxième message. Ah, il est très remonté. Et le pire dans tout ça, Paulette, c'est que ça te fait rire. Il n'y a rien de marrant. Tu es aussi énervante que les gens qui mettent pas leur clignotant dans les ronds-points ou pour tourner. C'est insupportable. Ce qui est extraordinaire, c'est que lui, en plus, il ne te connaît pas. Mais il a juste entendu tout ce qu'on a raconté. On peut parler de quelqu'un qui n'est pas fan de moi. Ouais. C'est un peu ça. Alors, je suis désolé, Paulette, il y a encore un message pour toi. Ah non. Ouais. Je te fais de gros bisous, Paulette. Tu es la plus jolie, la plus intelligente de l'émission. Belle journée. Oh. Et ben voilà, je pensais partir, je reste. Comment je dois le prendre, moi? Comment tu vas? Non, ça y est, le problème des filles. Non, mais attends, c'est clair. La plus intelligente. Mais non, mais on est deux. Ah bah je suis vexée, je suis désolée. Oh les filles, vous êtes pénibles. Dur. Puis Isa, t'arrives à l'heure toi. Ouais voilà. Ouais. Okay. Et tu sais quoi? Non mais c'est ce qu'on dit tout le long dans les couloirs, hein. Ouais. Elle est pas belle mais elle est ponctuelle. Manu, je te parle, on va pas dans la gueule, tiens. Elle lui jette des trucs. Elle me jette des trucs. Pardon, c'était uniquement pour la vanne. Ok, ça mais va. Mais je savais pas comment m'en sortir. Oh là là. Un petit dernier message, on a le temps. Ouais, on est vendredi, c'est bientôt le week-end et je vous présente un papa heureux. Ce week-end, on fait garder les enfants. Ça va être la fête avec maman. Bisous. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. Labrinthe avec Sia et Diplo. Bon réveil sur Énergie. To trust. 55, je viens de voir que demain il y a une journée mondiale dont on n'a pas parlé. Ah, oh, dis-nous. Vas-y. Journée mondiale du hamburger. Oh, oh génial. C'est important. Ok, donc bon week-end aux vegans et à la planète. Mais ouais. Ouais. Moi je commence aujourd'hui. Hein. Je prends de l'avance sur la journée mondiale. Ah si. Mais moi je comprends pas le hamburger. Ça m'a jamais oh, rendue heureuse. Oh. Du pain, c'est coincé. Il y a plein de trucs. Tu sais pas réellement ce que tu manges. Bah, tu sais quoi, ouais. Moi c'est pareil avec le brocoli. Donc, voilà. On revient tout de suite avec Soprano. Ça arrive après les infos de 9h. Et à 9h10, c'est les infos de Glandu. Mais attention, le vendredi, c'est pas comme tous les jours. Le vendredi, c'est différent. Du lundi au jeudi, il répond aux questions que personne ne se pose. Mais le vendredi, il répond aux questions que vous vous posez. Vous envoyez des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. Il va y répondre. Ouais. Ça a parlé de quoi? Un bon bailleur en fait bailler 7. Vous connaissez cette expression? Non. Eh ben, ah bon? Un bon bailleur en fait bailler 7. Tu connais pas ça? Quand on baille, tu fais bailler les autres. Ah oui, mais je connaissais pas l'expression. Ah, elle est connue pourtant, expression populaire française des années 80. Je vais vous l'expliquer. Peut-être que je la connaissais en fait. On va parler donc du baillement. Oui, exactement. Genre, pourquoi est-ce que quand on baille, ça fait bailler les autres? C'est exactement ça, Manu. Alors, bien ça, vu. C'est cool. Allez. Les infos de Glandu, ça arrive dans même pas 15 minutes. Bienvenue sur Énergie. C'est le week-end, aujourd'hui, c'est vendredi. C'est Manu dans le 6-9. Ça se sent que vous avez pas trop envie de bosser aujourd'hui. Oh. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Music Only. La bonne idée But, c'est la literie en folie. Et le plus fou, bah, c'est les prix. Hein. En ce moment, chez But, jusqu'à moins 50% sur une sélection de literie. Oui, jusqu'à moins 50%. But, des prix et des idées tous les jours. Voir produits concernés en magasin et sur but.fr. L'instant d'Arty.